Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 8, la bientraitance animale à l'école. Aujourd'hui, nous accueillons encore beaucoup d'académies différentes, avec Nicolas Déré, qui est professeur de philosophie au lycée Jean Zay à Orléans et chargé de cours en éthique du soin à l'Institut de formation en soins infirmiers. Nicolas Dolion, que nous retrouvons, est maître de conférences à l'Université de Reims. Ses recherches se concentrent sur l'interaction homme-animal, la médiation animale, le développement socio-émotionnel de l'enfant, le trouble du spectre de l'autisme, les bienfaits et les particularités de l'animal auprès des jeunes avec troubles du neurodéveloppement. Thibaut Farahus est chargé de mission à l'Office français de la biodiversité. Il est l'auteur de Les écosystèmes ont-ils des droits, mémoire de recherche publiée aux éditions Libelle, et il a travaillé avec un de nos invités, vous découvrirez, sur son travail sur la bientraitance animale. Eva Gracia, professeure des écoles en cycle 3 à Champigny-sur-Marne dans l'Académie de Créteil. Richard Lafont-Thomas, professeur de philosophie au lycée à Paris. Marie-Laure Laprade, professeure des écoles dans l'Académie d'Aix-Marseille, qui est présidente de l'association Éducation éthique animale, dont le travail a conduit à l'intégration du respect des animaux dans les programmes de l'éducation morale et civique à l'école, au collège et au lycée. Elle collabore aussi aux travaux menés par le comité Une seule violence du Sénat, qui travaille sur le lien entre les violences exercées sur les animaux et les violences interpersonnelles. Et Lisiane Uny, professeure des écoles à La Réunion et présidente de l'association Rêver, Réunion Vive Ensemble Ex Animaux, j'espère que j'ai bien prononcé, Réunion Vivre Ensemble avec les animaux, qui a conçu une mallette pédagogique pour sensibiliser les plus jeunes à la bientraitance animale. Bonjour et merci à tous d'être là pour cette question très importante. Et qui, du coup, est ma première question, qu'est-ce qu'on entend par bientraitance, par respect, intelligence, sensibilité animale, et quel est le lien avec l'éducation? Alors moi, je veux bien démarrer sur Marie-Laure? cette question puisque ça a un lien direct avec l'éducation. Alors je préfère au terme de bientraitance le terme vraiment de respect des animaux. La bientraitance, c'est autre chose. La bientraitance, c'est vraiment du point de vue humain, c'est-à-dire ce qu'on peut faire pour ne pas maltraiter en fait, hein. C'est tout le contraire de la maltraitance, c'est pour bien traiter son animal. Mais le respect des animaux, ça implique quelque chose de plus. C'est-à-dire que ça implique une prise en compte de l'individu animal, de ses besoins spécifiques bien sûr, mais aussi de ses besoins psychiques, émotionnels, de ses besoins propres. Donc l'association, quand on a travaillé sur l'introduction de l'éthique animale, hein, c'est ce qu'on souhaitait au départ dans les programmes scolaires. L'idée, c'était vraiment le respect. Et l'éthique animale, par la commission mixte paritaire qui a eu lieu, s'est transformée en respect des animaux, mais ce qui n'a pas été finalement pour nous déplaire, parce qu'on pensait que c'était un terme qui parlerait davantage aux enseignants, étant donné qu'il parle beaucoup de respect entre les enfants et de respect des enfants vis-à-vis des adultes. Voilà. Donc, moi, je préfère le terme de respect. Merci beaucoup. Les collègues, est-ce que bientraitance, respect, vous voyez aussi une différence ou et par quel et qu'est-ce que c'est l'intelligence ou la sensibilité animale? Parce que je sais que vous avez aussi travaillé dessus. Oui, je veux Nicolas? bien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je veux bien rebondir sur cette question de vocabulaire et derrière finalement de concept et de conception du monde. C'est-à-dire que dans la tradition philosophique, la notion de respect implique celle de personne. Si on prend le monument de la philosophie morale qui est Emmanuel Kant, le respect n'est dû qu'à des personnes, c'est-à-dire à des êtres doués de conscience et qui font preuve d'une certaine autonomie. Et Kant distingue les personnes et les choses, et il classe les animaux du côté des choses, c'est-à-dire de ces êtres qui ne sont parce qu'ils ne sont pas doués de conscience, ne peuvent pas être considérés comme des personnes, et donc à qui aucun respect n'est dû, mais à qui un soin doit être apporté. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, la notion, je suis d'accord avec la collègue, derrière la notion de respect, ce qui se joue, c'est la considération de l'animal en tant que sujet autonome, en tant que personne à qui un respect est dû. Et se cantonner à la question du soin, de la bientraitance ou de la veille bienveillante que l'on devrait s'acquitter à l'égard de l'animal, ça serait peut-être encore le laisser dans cette zone de non-droit, qui est celle finalement de la chose, du bien, de cet élément à qui finalement aucun respect n'est dû, qui est pour moi la propriété, une propriété. Et finalement, aller, comme le fait la collègue, vers la question du respect, c'est élever, tenter d'élever l'animal à cette considération en tant que personne à qui un respect est dû. En tout cas, c'est cette entrée philosophique assez classique hein, que je dresse à grands traits, que je tente de présenter aux élèves. Jusqu'à quel point, finalement, pouvons-nous considérer les animaux comme des personnes? C'est-à-dire des êtres à qui un respect personnel et collectif doit être proposé. Merci beaucoup, Nicolas. Oui, le commentaire en fait, donc de Nicolas me faisait penser également que dans cette notion en fait de respect et de reconnaissance d'un statut particulier d'animal est nécessairement très associée la reconnaissance en fait d'un statut d'être sensible et donc de sentience de l'animal, donc de cette capacité de l'animal à minimum pouvoir être un individu qui va pouvoir avoir des affects positifs et négatifs. C'est une notion qui est assez particulière parce que des éléments de recherche ont été nécessaires un peu sur cette question, des fois pour certaines espèces, par exemple, c'est le cas des céphalopodes, donc tout ce qui est par exemple poulpe sèche, où il a fallu patienter jusqu'à, si je dis pas de bêtises, 2013 pour que ces espèces-là soient protégées, ne serait-ce que dans l'expérimentation sur animaux vivants, donc sur céphalopodes vivants. Donc avant 2013, par exemple, on pouvait faire de l'expérimentation sur les céphalopodes sans avoir à les anesthésier, sans avoir à se soucier d'un quelconque ressenti négatif de leur part ou de douleur. Et la sentience est aussi une clé dans la reconnaissance d'une nécessité de se soucier du bien-être de l'animal. Merci beaucoup, Marie-Laure. Alors, je rebondis sur ce que Nicolas vient de dire, effectivement, sur la sentience. C'est un terme qui maintenant est entré dans le dictionnaire, fort heureusement. C'est un anglicisme, hein, qui, voilà. Mais en tout cas, il apporte vraiment quelque chose par rapport à la notion de sensibilité. Parce que la sensibilité, c'est vraiment un terme qui est polysémique. On parle par exemple de la sensibilité de nos smartphones. Évidemment, quand il s'agit de la sensibilité d'un animal ou d'un être humain, c'est vraiment pas la même sensibilité dont il est question. Le terme de sentience, il est important, bien sûr, parce qu'il ajoute, en fait, il est à la croisée de la conscience animale et de la sensibilité. Donc, ça recouvre les deux champs. C'est vraiment le croisement des deux. Il faut savoir que les animaux sont reconnus être doués de sensibilité dans le Code civil depuis 2015. Ça veut dire que ça fait maintenant 10 ans. Il va y avoir un colloque, d'ailleurs, à ce sujet, bientôt. À Paris, et ce colloque va faire un peu l'état des lieux justement par rapport à cette définition d'animal sensible dans le code civil, ce qui n'a pas été répercuté dans les autres codes, et l'animal est toujours comme un objet au regard de la loi, puisque voilà, il est soumis au régime des biens. Et je voulais simplement souligner également le travail de chercheurs et notamment de juristes sur cette question de la personne non humaine. Jean-Pierre Margaino, qui est un juriste qui travaille depuis très très longtemps sur la question de la personnalisation en fait des animaux, a entraîné tout un champ de recherche. Et ces juristes ont fait ce qu'on appelle la déclaration de Toulon, où ils réclament justement, et là c'est remis à l'ordre du jour justement en 2025, une lettre qui va être envoyée à nos chers ministres pour reconnaître un statut de personne non humaine aux animaux. Puisque on sait très bien que pour les personnes, il y a aussi les personnes morales, notamment les associations, les entreprises, etc. Il n'y a absolument aucun frein à donner un nouveau statut aux animaux qui serait celui de personne non humaine. C'est déjà d'ailleurs le cas dans certains pays. Alors du coup, vos interventions m'amènent plusieurs questions. Je vous les donne toutes et après on voit qui veut intervenir sur laquelle. Je crois que c'est Nicolas qui parlait du respect individuel et collectif, et ça me rappelle un échange avec Thibault justement sur la façon de percevoir. On avait eu sur, parce qu'il y a, on avait pris les, enfin, je lui avais pris l'exemple de l'orang-outan qui avait été reconnu personne non humaine. Et voilà, je voulais son avis sur le fait de travailler individuellement ou collectivement. Et pour vous tous, je voulais savoir si pour vous, c'est cette, je ne sais pas si on peut dire valeur, en tout cas, entrée philosophique du respect qui fait que la loi, de manière générale, et surtout ce qui nous intéresse, alors la loi en éducation, avance lentement par rapport aux animaux. C'est-à-dire, est-ce que, et encore une fois, j'ai peu de culture philosophique, donc je suis désolée aux deux collègues Richard et Nicolas, est-ce que c'est par exemple l'idée de l'animal-machine de Descartes qui a eu un impact très fort dans nos inconscients collectifs ou pas? Voilà. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est ça qui joue sur la loi, sur l'éducation, sur le respect animal, puisque techniquement on a des lois, des circulaires et des décrets sur l'EDD depuis très longtemps, et le développement durable, c'est aussi la biodiversité. Dans la biodiversité, il y a l'animal. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si j'étais assez précise. J'ai lancé beaucoup de questions et je laisse Richard intervenir. Moi, je peux dire un mot peut-être par rapport aux élèves quand on démarre cette question-là autour de l'animal et autour d'un cours en morale ou en éthique animale. Généralement, si on prend les termes de tout à l'heure, bientraitance et respect, la bientraitance, elle fait pas tellement débat. Tout le monde est d'accord, les élèves sont d'accord, et puis je pense que globalement, c'est assez consensuel. Dès qu'on va sur la notion de respect, a priori, quand on ne se demande pas exactement ce que ça implique, ça va aussi. Respecter l'animal, oui, tout le monde va dire oui. La difficulté est quand on regarde les implications concrètes. Alors, si tout à l'heure Nicolas faisait référence à Kant, alors pour bon, le, ça signifie la notion de dignité ou la notion de valeur intrinsèque qui est associée à celle de personne. Qu'on ne va pas pouvoir utiliser l'animal uniquement comme un moyen. Alors ça, tout de suite, évidemment, ça bloque sur la notion de respect parce que bah, les élèves constatent que, bon, bah, effectivement, ils mangent de la viande, ils mangent des animaux, leurs vêtements sont... Il suffit de regarder dans une salle de classe, en fait, l'animal est partout. Et là, autant la notion de bientraitance, elle fonctionne bien, autant la notion de respect, dès que... On s'aperçoit que là, il y a la notion d'utilité ou d'instrumentalisation. Là, ça bloque. Ça bloque. Et alors, ben la référence à Descartes, elle est, oui, généralement, elle vient vite en éthique animale. Puisqu'il y a cette fameuse phrase qui est généralement très connue, de pouvoir se rendre comme maître et possesseur de la nature et donc de pouvoir utiliser au bénéfice de l'homme qui se placerait au centre. L'ensemble de la nature dont, mettons, les animaux feraient partie. Marie-Laure? Alors, je rejoins totalement Richard sur ce qui vient d'être dit. Alors, quand on a évoqué tout à l'heure Descartes et puis son acolyte Malebranche, ont fait beaucoup de dégâts, effectivement, par rapport au statut de l'animal et en tout cas au ressenti que nous avions par rapport aux animaux. Mais moi, je pense que à notre époque, parce que la question animale a quand même traversé les siècles, hein, on a l'impression qu'elle débarque comme ça, là-haut. Au 20e et 21e siècle, alors qu'en fait, les chercheurs en philosophie qui sont ici savent bien que déjà dans l'Antiquité, la question animale était débattue et avec des arguments qui n'étaient pas ceux de la science d'aujourd'hui, mais avec des arguments moraux qui tenaient tout à fait à route. Aujourd'hui, je pense que vraiment la résistance à un statut moral des animaux qui serait différent de celui qu'on connaît actuellement. Ce sont vraiment des résistances plurifactorielles. Il y a bien sûr la culture, qui n'est pas la même d'un pays à l'autre. Déjà, on n'a pas le même respect pour les animaux d'un pays à l'autre. On a une culture judéo-chrétienne et force est de constater quand même que les textes issus de la Bible, des évangiles, n'ont pas toujours été favorables aux animaux, bien que si on va chercher un petit peu quand même, il y a certains exégètes qui sont capables, je pense par exemple à Andrew Lindsay, par exemple, qui sont capables d'aller chercher dans les textes religieux des passages qui sont extrêmement favorables, au contraire, aux animaux. Et puis, comme il a été dit, il y a la philosophie de Descartes et de Malebranche. Il y a la part de l'éducation, on est là un peu pour ça tous, hein, bien sûr, notre part, nous, notre responsabilité en tant qu'enseignants à faire passer un certain nombre de réflexion. Et puis, il ne faut pas négliger non plus le politique et l'économie, puisque vous avez tout à l'heure évoqué les différentes formes d'exploitation animale. Et en fait, nous, on a bien rencontré ça hein, quand on a proposé l'amendement qui a permis d'introduire donc le respect des animaux en éducation. En commission mixte paritaire, ce sont les lobbies hein, qui sont intervenus, les lobbies élevages, bien sûr, donc les lobbies agricoles d'une manière générale, et tous les lobbies qui finalement valorisent l'exploitation, les différentes formes d'exploitation animale, que ce soit les zoos, les cirques, évidemment le lobby agricole, parce qu'avec l'élevage et la consommation de viande. Donc on se heurte aussi à des freins qui sont extrêmement puissants pour faire avancer cette cause des statuts de l'animal. Parce que ça remettrait en cause beaucoup de choses, bien évidemment. Si l'animal devient une personne non humaine, voilà, il y a beaucoup de nos pratiques qui sont à revoir. Merci. Thibault? Oui, le débat sémantique entre bientraitance et respect, il m'évoque enfin, les débats similaires qui ont cours sur tout ce qui est protection de la nature. C'est vrai que quand on parle de protection de l'environnement ou de la nature, on reste aussi dans une logique anthropocentrée qui peut rappeler celle de la bientraitance animale, où on sépare les humains d'un côté, les animaux ou la nature de l'autre. Et on devrait, en tant qu'humain, bien traiter les animaux, mais un peu comme s'ils nous étaient en quelque sorte inférieurs. Et c'est l'anthropologue Philippe Descola qui avait montré que c'était un peu la même idée quand on parle de protection de la nature ou de protection de l'environnement, que le schéma de relation entre le protégeant et le protégé, ça reste un schéma avec quelqu'un qui est supérieur et quelqu'un qui est inférieur. Et donc pour sortir de ce dualisme, on devrait trouver d'autres manières de dire les choses aussi, parce que bon, ça peut paraître un débat sémantique, mais comme le rappelaient les collègues et les précédents intervenants, enfin, la sémantique emporte aussi des représentations du monde associées derrière. Donc, ce débat bientraitance, respect, il m'évoque un débat un peu similaire sur les aspects environnementaux entre protection et défense du monde vivant, une expression qui est défendue aujourd'hui par des philosophes comme Baptiste Morisot, par exemple. Et la question juridique, j'élargirais peut-être un petit peu le sujet aussi, parce qu'on parle beaucoup du respect animal et de la personnification des animaux dans le droit, mais le droit, il oublie aussi beaucoup d'autres compartiments du vivant et du monde vivant, pas seulement les animaux, mais on peut aussi penser aux végétaux, à tous les micro-organismes, à tout ce qui tisse le monde vivant, la biodiversité au sens large, qui comprend bien sûr les animaux, mais qui les dépasse aussi. Et Marie-Laure évoquait les travaux de Marguénaud sur le statut juridique de l'animal. On a aussi beaucoup de travaux parallèles qui se nourrissent aussi sur la reconnaissance de droits, non plus seulement à des animaux individualisés, parce que c'est vrai qu'on peut rester aussi dans une approche qui peut être anthropocentrée quand on choisit certaines espèces animales ou certains compartiments du vivant plutôt que d'autres pour leur accorder des droits. On a des approches parallèles qui visent à reconnaître aussi des droits au milieu de vie, aux écosystèmes ou à la nature plus globalement, qui inclut du coup les animaux, mais qui permet aussi de sortir d'éviter là la question du critère vraiment de pourquoi telles espèces, tels êtres vivants pourraient être dotés de certains droits et pourquoi pas tels autres. Voilà, on peut aussi penser à la distinction entre l'animal domestique, l'animal sauvage. Aujourd'hui, l'animal sauvage a beaucoup moins de droits, par exemple, que l'animal domestique dans notre système actuel. Donc voilà, peut-être aussi penser l'animal comme un élément aussi dans un tissu plus large qui est celui du monde vivant et de la biodiversité. Et d'ailleurs, enfin, l'article de loi qui est sorti ne concerne que les animaux de compagnie. Et du coup, puisqu'on en parlait un tout petit peu, Thibault, et c'est général aussi à tout le monde, est-ce qu'il faut penser le respect animal en termes de droit ou de devoir pour vous? Enfin, si Thibault, tu veux bien répondre d'abord. Oui. Je ne sais pas s'il y a vraiment une distinction entre droit et devoir, parce que les droits reconnus à certaines entités impliquent des devoirs pour d'autres. Donc si effectivement on reconnaît des droits aux animaux ou à des entités naturelles, elles impliquent nécessairement un devoir pour les autres de respecter ces droits-là. Donc effectivement, à titre personnel, je serais plutôt favorable à d'élargir les catégories dans notre système juridique auxquelles on reconnaît des droits. Que ce soit les animaux ou les écosystèmes, les milieux de vie dans leur ensemble. Mais bien sûr, reconnaître des droits, ce n'est pas simplement reconnaître des droits sur le papier. Comme le disait Richard, ça implique des choses aussi concrètement et de devoirs aussi pour les humains. Ça implique des devoirs pour les entreprises de ne pas déverser n'importe quoi dans les cours d'eau, de ne pas exploiter les animaux de manière insensée. Donc, je suis pas certain qu'il y ait une dichotomie vraiment entre droit et devoir, puisque droit implique devoir et devoir implique droit. Est-ce que je peux me permettre juste que tu peux nous raconter le procès de la scène? Juste avant qu'on passe la parole, dont tu me parlais. Si tu veux. Oui, bah c'est enfin pour rebondir sur la question de l'évolution du droit. Oui. Dernièrement, on a eu beaucoup d'initiatives, y compris en France hexagonale, qui visent à faire évoluer les frontières de ce qu'on considère comme une personne juridique. Donc, on parlait des animaux, mais plus récemment, la ville de Paris a organisé un grand procès fictif en défense de la Seine pour faire valoir les droits du fleuve, donc qui inclut forcément aussi tous les animaux, enfin toutes les espèces vivantes qui peuplent les berges de la Seine, et qui a eu lieu début décembre. Et la séance était présidée par Anne Hidalgo, qui a annoncé lancer une commission citoyenne pour réfléchir à l'éventualité de reconnaître des droits à la Seine comme entité vivante et comme lieu de vie de nombreuses espèces. Donc, voilà, les choses évoluent petit à petit. On reste là dans du droit assez mou parce que on change pas le code civil encore. Mais en tout cas, localement, il y a des initiatives qui fleurissent pour redéfinir un peu les contours de ce qu'on considère comme des personnes, des sujets de droit. Merci. Marie-Laure? Alors, pour enchaîner directement avec ce que Thibaut évoquait, il faut se rappeler qu'au Moyen Âge, et ça c'est Éric Baratet notamment, qui est historien et qui rappelle ça, il y avait des procès contre les animaux. Donc, les animaux avaient presque un statut d'individu, puisque on connaît par exemple le célèbre procès de la truie de Falaise. Donc les animaux étaient amenés au tribunal comme des personnes et pouvaient être accusés de tel ou tel mot. Évidemment, il n'en est plus question aujourd'hui, hein, ce sont les propriétaires qui sont menés au tribunal s'il y a un problème avec un animal. Je voudrais simplement signaler qu'en France, il n'y a pas de droit pour les animaux. Les animaux ne sont pas couverts par des droits, ils sont couverts par une protection, des formes de protection. Et comme le rappelait Thibault, les animaux sauvages, les mélifitiques, quasiment aucune protection. Ce sont des res nihilus, on ne peut pas se les approprier. Donc, ce sont des animaux auxquels on peut faire subir les pires cruautés en toute légalité, finalement. Je peux renvoyer aussi aux travaux de Florent Burgat, qui est philosophe, sur la question des droits des animaux. Et donc, c'est intéressant on travaille pour justement l'obtention de droits pour les animaux, mais en tant que tel, il n'y a pas de droits pour les animaux à l'heure actuelle. Et puis, je voudrais revenir juste sur un petit point. On a parlé de la sentience tout à l'heure. Là, on peut renvoyer vers la déclaration de Cambridge. Ce sont des neurologues, enfin, en tout cas, des spécialistes en neuro qui ont fait une déclaration et qui c'est leurs travaux, en fait, ont amené au fait que cette fameuse sentience, elle est reconnue officiellement, donc vraiment un consensus de scientifiques pour tous les animaux vertébrés, donc ça veut dire les oiseaux, les poissons, les mammifères, les amphibiens et les reptiles. Effectivement aussi les crustacés décapodes, c'est-à-dire par exemple les homards, les crevettes, etc., les céphalopodes, on en a parlé tout à l'heure. Et néanmoins, par rapport aux céphalopodes, il est envisagé en France, par exemple, d'ouvrir une grande usine qui élèverait des céphalopodes pour la consommation alimentaire. Donc vous voyez qu'il y a toujours un décalage énorme entre les connaissances scientifiques, parce qu'on essaie toujours, pour défendre les animaux, de montrer tout le panel de leurs émotions, tout le panel de leurs capacités cognitives également, pour montrer que bah, finalement, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes avec l'espèce humaine, et puis finalement, c'est normal, puisqu'il y a quand même un continuum phylogénétique qui explique ces similitudes. Voilà, pour essayer de faire amener par les sciences une reconnaissance aux animaux. Mais je crois que si on place d'un point de vue de la philosophie morale, alors moi je suis très attachée à la philosophie en tant que quelque chose qui presque chapeauterait toutes les autres disciplines. Si on réfléchit sur le plan simplement moral, est-ce qu'il est vraiment indispensable d'aller chercher à chaque fois plus, plus, plus au niveau scientifique pour justifier l'octroi de droits aux animaux. Donc voilà, c'est une vraie question parce que je trouve que la philosophie finalement a plus encore son mot à dire que toutes les autres disciplines, même si les autres la nourrissent bien évidemment. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Je vais rebondir sur un élément parce que dans l'intervention de Marie-Laure, elle évoquait le continuum phylogénétique. Et un peu plus tôt, on a parlé aussi de cette notion de l'être humain qui serait au-dessus des autres espèces animales. Il y a une vision qui est aussi à briser, c'est que on a tendance à toujours imaginer que l'espèce humaine serait l'espèce la plus évoluée parmi toutes les espèces animales. Et notamment, il y a un gros défaut de représentation, c'est-à-dire qu'on a tendance à se représenter au niveau du phylum évolutif que l'espèce humaine serait au-dessus dans cette représentation-là. Ce qui n'a jamais été le cas dans toutes les conceptualisations scientifiques qu'il y a derrière. À l'heure actuelle, vous parlez avec n'importe quel chercheur en biologie évolutive, vous direz en fait que toutes les espèces sont au même niveau évolutif, c'est-à-dire qu'on est au même stade d'évolution les unes par rapport aux autres, puisqu'on est le fruit de milliers d'années, en fait, et milliards d'années même, pardon, d'évolution et la résultante de toutes ces années d'évolution. Donc toutes les espèces seraient au même stade évolutif, il n'y en aurait pas une qui serait plus évoluée qu'une autre, c'est juste qu'on est des espèces différentes sur la même ligne évolutive en réalité. Merci beaucoup. Richard? Il n'y a pas ton micro, Richard. Désolé. On a évoqué quatre termes, bientraitance, respect, devoir et puis droit. Il me semble qu'on peut peut-être les regrouper par deux. La bientraitance allant avec le devoir, la notion de devoir, et puis le respect allant avec la notion de droit. Alors si on est du côté de la bientraitance, eh bien on a au fond le devoir de bien traiter ou de prendre soin des animaux, mais on est encore dans une position où on met l'humain au centre. C'est lui qui a le devoir moral, donc il y a une sorte de primauté donnée à l'homme pour s'occuper correctement des animaux. Et dans ce cas-là, les animaux n'ont pas nécessairement de droit. Si on passe à un niveau au-dessus, on va vers la notion de respect et la notion de droit. Et si les animaux ont des droits, si on leur accorde des droits, eh bien à ce moment-là, il faut les respecter et pas simplement les bien traiter, ce qui relèverait d'une capacité morale que les individus auraient ou d'ailleurs n'auraient pas. Donc c'est beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus fort, beaucoup plus fort moralement d'aller vers la notion de respect, vers la notion de droit, que de rester du côté de la bientraitance et de la notion de devoir. L'autre chose que peut-être je pourrais dire, c'est à propos des individus ou groupes. L'éthique animale porte sur les individus. Et pas sur les entités comme les espèces ou par exemple en éthique environnementale ou sur les écosystèmes. Et c'est pour ça d'ailleurs que parfois, pas tout le temps, là, dans beaucoup de cas elles se rejoignent, mais les considérations en éthique animale et en éthique environnementale peuvent diverger dans leurs conclusions. Parce que l'éthique animale porte sur les individus. Pourquoi? Parce que on l'a dit, le critère à prendre en compte, c'est la sentience, donc la capacité à ressentir la douleur la douleur, la souffrance, et ça, ce sont les individus qui souffrent. Les espèces souffrant pas, ou les écosystèmes ne souffrant pas, la scène ne souffrant pas. Et donc, les considérations en termes de droit pour les animaux, d'éthique animale, peuvent diverger assez fort parfois de considérations en éthique environnementale du fait de la prise en considération de l'échelle à prendre en compte moralement. Est-ce que c'est l'individu ou est-ce que c'est une entité plus large transindividuel. Merci beaucoup, Nicolas. Oui, je rebondis. Merci pour tous ces éclairages. Je rebondis sur cette question des droits et des devoirs. Et ce que je voudrais introduire, moi, c'est la notion de citoyenneté. L'an passé, j'ai construit un projet en invitant, et je remercie Thibault à intervenir auprès des élèves, donc une classe de terminale, sur une entrée assez classique, écologie-démocratie. Et puis, à un moment donné de l'évolution du projet, c'est poser la question de savoir jusqu'où élargir la citoyenneté. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire des non-humains, des vivants non-humains, je ne parle pas nécessairement des animaux, des citoyens à part entière, et selon quelles modalités? Et c'est ce que disait Richard, effectivement, ici, il y a vraiment deux voies qui se sont tracées avec la classe. Soit on considère le citoyen à l'échelle individuelle, et donc on va accorder la citoyenneté, alors selon quelle modalité, ça reste à définir, on pourra en discuter peut-être, à tel ou tel individu non humain. Soit on considère comment dire, la citoyenneté à l'échelle collective, et auquel cas on est dans une approche en termes d'écosystème. Deux intervenants sont venus auprès des élèves. D'un côté, Dominique Hobauer, qui est responsable du pôle éducation au sein de l'association L214, qui est venu, comment dire, sur plusieurs séances, construire un projet zoopolitique avec la classe, leur demandant, après un travail de sensibilisation, de se mettre dans la peau d'un ou d'une parlementaire et d'essayer de, comment dire, d'imaginer des droits pour les animaux et la possibilité pour chaque individu animal d'être citoyen à part entière, par délégation de sa voix à des porte-paroles, à des représentants et des représentants. Et Thibault, qui est intervenu en parallèle pour interroger, mais je vais te laisser la parole, Thibault, dans un instant, pour interroger la question d'une citoyenneté à l'échelle de l'écosystème. Tu as évoqué la question de la Seine. Bon, il se trouve que j'enseigne et je vis dans le Val-de-Loire. Donc, il y a toute une problématique autour de la Loire, d'un Parlement de Loire, de faire de la Loire une personnalité juridique. Et finalement, la question qui se pose, au-delà finalement des questions des droits et des devoirs, c'est finalement, est-ce qu'on peut faire, et à mon avis, la réponse est positive et on pourrait peut-être essayer de pister quelques modalités concrètes, est-ce qu'on peut considérer des non-humains comme des citoyens à part entière? Et peut-être que ça résoudrait un certain nombre de difficultés et d'impasses très concrètes, hein, dans lesquelles on se trouve sur l'exploitation des non-humains à l'échelle industrielle et dans des conditions absolument indignes. Merci Marie-Laure, vous voulez réagir? Je connais bien Dominique Hobauer. On a travaillé ensemble justement pour la formation destinée aux enseignants en lien avec l'article qui amenait l'éthique animale en éducation. Je voudrais revenir sur alors juste ce qui vient d'être dit sur la citoyenneté. Alors je crois que la citoyenneté et la question de la zoopolis, qui est quelque chose qui a été initié par Kimika et Donaldson à l'époque dans leur livre Zoopolis, elle se présente vraiment très claire à nous par rapport aux animaux qu'on appelle liminaires, les animaux qui vivent dans les villes mais qui sont la propriété de personne, hein, les pigeons, les rats, etc. Et donc cette notion de citoyenneté pour ces animaux-là, elle se pose vraiment parce qu'ils vivent avec nous dans les villes et ils ne bénéficient d'aucun droit en fait, ces animaux. Alors qu'ils sont finalement aussi des citoyens, hein, des villes. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je voudrais revenir sur la distinction effectivement qui a été faite entre la considération pour les espèces et les écosystèmes. Donc là, on est dans la considération effectivement non pas des individus, mais de l'espèce et donc pas de comment dire de l'entité souffrante comme il a été dit, hein, ce sont bien les individus qui souffrent et non pas les espèces qui souffrent. Les espèces simplement elles peuvent disparaître, mais à la limite j'ai envie de dire c'est pas grave, l'espèce humaine si elle disparaît c'est pas grave, de tout temps des espèces ont disparu et d'autres sont apparues, c'est normal. Mais la question de la souffrance individuelle par laquelle on passe pour arriver à l'extinction de telle ou telle espèce, c'est ça qu'il faut prendre en compte réellement, mais pas que. La considération pour les individus, elle est effectivement extrêmement importante et c'est pour ça qu'on la défend, mais elle ne peut pas être défendue indépendamment de toute façon des écosystèmes et des populations. Les individus animaux, alors moi je suis, mon travail c'est sur les animaux bien évidemment, donc je vais parler de ce que je connais un petit peu. La prise en considération des animaux en tant qu'individus, elle ne peut s'entendre que dans un écosystème où ils sont en capacité de bien vivre. Donc les écosystèmes sont d'une grande importance, bien évidemment. Donc la reconnaissance des écosystèmes et de toutes les populations des écosystèmes sont importantes. On sait très bien en écologie que les écosystèmes sont un équilibre, mais extrêmement fragile. Ce n'est pas un équilibre définitif. Tout est tout le temps en mouvement. Ce sont des équilibres dynamiques entre des proies, des prédateurs, des végétaux dont les herbivores se nourrissent, etc. Donc tout ça est un ensemble et je crois qu'il faut vraiment avoir un regard vraiment très global, à la fois des individus, des populations, des écosystèmes dans lesquels vivent ces individus et ces populations. On a l'exemple parfait des loups en ce moment. C'est un sujet extrêmement sensible, bien évidemment. On est en train, pour chaque plan loup, de déterminer un nombre de loups possibles à abattre sans définir quel loup il va falloir abattre. Et alors, en plus, ça n'a ni queue ni tête parce qu'on va tirer des loups sans savoir si ça a un effet positif ou pas. Et c'est plutôt, ça montre plutôt qu'au contraire, c'est pas positif sur la déprédation. Enfin bref, on s'intéresse à l'espèce loup, on vise un certain nombre de loups à abattre de sorte que la population reste à peu près stable et en état de conservation, comme il est dit. Le statut du loup a été diminué là, justement parce qu'on était arrivé à ce nombre d'individus permettant une stabilité. Mais on s'intéresse pas du tout à la souffrance de tel ou tel individu qui est abattu. Une mère, par exemple, qui est abattue et qui laisse des louveteaux, on s'interroge pas là-dessus. On a le nombre et finalement la population est conservée. Donc c'est une vraie problématique quand même. Et c'est vrai, avant de laisser la parole à Thibault, pour rebondir, j'ai lu le livre de Frédéric Giguet, qui est un chercheur spécialiste des corneilles, qui travaille au Muséum national d'histoire naturelle au Jardin des Plantes, et qui recherche justement la même façon à faire évoluer l'image et la façon de voir les corneilles, et qui expliquait qu'il y a à peu près 1 million de corbeaux corneilles tués par an pour protéger les cultures, et que pendant le confinement, il y a eu quand même beaucoup moins de tirs, même si certains étaient autorisés, que pourtant les cultures étaient beaucoup moins abîmées. Donc voilà, encore notre lien et notre façon d'envisager l'espèce et l'interaction avec eux, dont je ne sais plus qui parlait de Baptiste Morisot, mais dont il en parle. Et c'était pour rebondir aussi ce que tu disais sur les espèces. Marie-Laure, je suis complètement d'accord avec vous tous sur le fait qu'il faut travailler sur l'individu, mais je pense qu'il faut prendre en compte quand même l'espèce qu'il. Baptiste Morisot, je pense qu'on sera tous d'accord, explique à quel point, et beaucoup on le fait, ça va avoir un impact sur nous et à quel point on est lié avec tout le vivant. J'arrête d'intervenir, je me tais et je passe la parole à Thibault. Pour rebondir sur la question du loup, c'est vrai que c'est un peu un exemple typique de gestion anthropocentrée d'une espèce par l'humain. Et vraiment, le terme de gestion d'ailleurs est assez parlant. En fait, la sémantique est très parlante sur la question du loup, parce que Marie-Laure, tu parlais de tir pour abattre des loups. Le terme technique, c'est des tirs de prélèvement de loups. Donc, voilà, on peut vous laisser juger de la pertinence de ce terme ou pas. Ça m'évoque aussi la question des bouquetins dans le massif du Bargy, par exemple, où des haras de bouquetins étaient atteints de la brucellose, et pour éviter que ça se répande sur d'autres massifs, les services de l'État avaient autorisé des tirs de prélèvement aussi de bouquetins qui avaient eu un effet contre-productif de la même manière, enfin, voilà, du même type que celui dont tu parles, Emeline. Puisque les tirs en fait effraient les bêtes qui du coup se déplacent plus facilement et peuvent propager plus facilement la maladie. Sur la question de la citoyenneté que tu évoques, Nicolas, pour rebondir dessus, j'aurais une réponse positive parce qu'en fait c'est déjà le cas. La ville de Tours, par exemple, a attribué la citoyenneté d'honneur à la Loire, il me semble, l'année dernière. Hein. Donc pareil, au niveau local, au niveau des municipalités, on évolue sur cette question des représentations politiques de ce qui n'est pas humain. Et c'est vrai que je pense que c'est la question qui est derrière, parce qu'on parle du droit, mais le droit et la représentation juridique et politique, elles sont nécessairement associées. Et la question de la citoyenneté m'évoque la question de la représentation aussi. Enfin, en termes de sciences politiques, c'est vrai quand on parle de citoyenneté, assez rapidement, on parle de qui est apte à représenter. La voix des citoyens. Et t'évoquais tes élèves qui se mettaient dans la peau de parlementaires, mais souvent on peut aussi penser aux humains enfin, peuvent essayer de se mettre dans la peau d'autres espèces ou de décentrer le point de vue, justement de ne pas avoir un point de vue qui soit seulement en fonction de nos intérêts humains, mais de se poser 2 heures dans un atelier, de se demander, mais en fait, quels effets telle activité a sur telle espèce, voilà, de se demander du point de vue de l'anguille ou du point de vue du loup, du point de vue du bouquetin, comment on peut penser telle activité ou telle situation. Donc, pour moi, cette question de la représentation, de la capacité à porter la parole aussi d'entités qui ne soient pas humaines, elle est très importante, notamment si on reste dans une approche très anthropocentrée de bien-traitance, de devoir, de protection. On ne se la pose pas forcément cette question, parce que, enfin, voilà, on applique le devoir qui est de ne pas forcément trop trop exploiter ou trop faire causer de souffrance. Par contre, si on passe sur un autre registre qui est celui enfin, des droits accordés à telle entité, du respect, se pose comme la question de comment faire valoir ces droits, qui peut les faire valoir, au nom de qui, voilà, donc tout ce qui est la question de la représentation, de la traduction, de ce que souhaitent aussi les animaux ou les écosystèmes. Donc, voilà, c'est des questions assez ouvertes, Mais essentiel. mais essentielles. Merci beaucoup, Nicolas. Alors oui, je vais rebondir sur deux points. Le premier, c'est au travers de l'intervention de Marie-Laure et notamment cette question de, ben voilà, enfin, quand on vient faire justement en fait un tir de prélèvement sur un loup, les conséquences en fait justement sur la portée qui suit, etc. Ça me faisait penser particulièrement à la notion de, on l'a vu au travers notamment des grands primates, cette notion d'espèce parapluie ou au travers d'une espèce endémique, on vient essayer au travers de ça de protéger tout l'écosystème qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on prend une espèce où naturellement la grande partie des personnes vont avoir plus de sensibilité pour pouvoir essayer, par exemple au travers des orangs-outans, de pouvoir protéger l'écosystème dans lequel il vit et qu'il y a derrière et toutes les espèces qui appartiennent à cet écosystème. Au travers de ça, on a notamment eu beaucoup, par exemple, de primatologues comme Franz De Waal, qui ont beaucoup œuvré à la reconnaissance de certaines capacités chez ces animaux. On peut penser notamment à tous ces travaux, notamment avec les missions Goudal aussi, sur tout ce qui est deuil chez l'animal et capacité d'un animal à nous afficher des signes qui pourraient être de l'ordre du deuil quand il perd un individu du groupe ou qui lui est proche. Et donc, cette notion d'espèce parapluie, pour moi, me semblait importante. Un autre point qui va plus rebondir sur l'intervention de Thibault, c'est que Thibault évoquait ce fait qu'on peut songer aussi au format d'intervention auprès des jeunes, auprès des différents publics, pour essayer de les sensibiliser. Et c'est vrai que essayer d'incarner ces acteurs, qu'ils soient des acteurs à l'animal ou les acteurs associés autour de l'animal, peut être un format qui est assez intéressant et qu'on peut considérer. Je sais qu'en Argonne, il y a une zone atelier qui, en collaboration avec un collège, fait des sorties en fait dans les lieux de zones de protection. Donc notamment, c'est une zone où ils ont vocation à essayer de protéger différentes espèces. Et notamment, ils ont un crapaud qui est en voie d'extinction dans cette forêt qui est très endémique de cette zone-là, qui est le crapaud sonneur à ventre jaune. Et au travers de ça et ce rapprochement avec ce collège, ils ont monté avec un enseignant dans le théâtre. Ils ont essayé de faire un atelier de travail au travers du théâtre où les collégiens étaient amenés à incarner à la fois ce chercheur de la zone atelier qui essaie de protéger cette zone, mais aussi l'agriculteur qui est autour et qui veut aussi que bah oui, mais le renard ne vienne pas en fait l'embêter au niveau de son élevage de poules. Mais aussi, bah, certains essaient d'incarner aussi bah, cette question de bah, oui, moi je suis un crapaud sonneur, j'ai besoin d'avoir ma zone de reproduction dans cet endroit-là pour pouvoir survivre. Et ces abords-là, en fait, peuvent être très intéressants parce que dans cette notion de protection animale, il y a à la fois s'intéresser à la sentience animale et à son bien-être et à comment on protège son écosystème, mais aussi pouvoir comprendre les différents acteurs qu'il y a autour de ce système-là et qui sont tout aussi importants. Pour rebondir sur ça et ce que vous disiez sur l'anthropocentrisme, sur le fait de se sentir supérieur alors que les espèces en sont à la même évolution, se mettre à la place d'eux, l'empathie des animaux. En ce moment, on entend beaucoup parler de l'empathie, notamment de l'empathie en éducation, et il y a eu beaucoup de podcasts très intéressants que je vous conseille sur Radio France, avec Serge Tisseron et Delphine Grimbert, et notamment, ils expliquent que en fait, développer les compétences empathiques, c'est bien, mais que ça ne suffit absolument pas parce qu'en fait, nous ne les mobilisons pas pour ce que nous estimons inférieur à nous. Moi, j'ai découvert à ce moment-là. Du coup, je me demandais en quoi cette éducation au respect animal permettrait de faire avancer du coup l'empathie, enfin la mobilisation des compétences empathiques pour les animaux et peut-être est-ce que pour les humains, est-ce que ça aurait un impact sur les relations entre les humains? Alors, il y a Lisiane d'abord qui va intervenir. Oui, alors merci pour la question que je trouve très intéressante. En fait, nous, alors c'est vrai qu'à La Réunion, on a une réelle problématique d'errance animale au niveau des félins et enfin, des chats et des chiens plus particulièrement. Donc c'est vrai que ben, dans le cadre de mon association, on a créé une mallette pédagogique et on s'est beaucoup battu en fait pour que ça a été un vrai combat pour qu'on puisse diffuser la mallette et des actions de sensibilisation des plus jeunes auprès des différentes instances, la préfecture, etc. Et on a vraiment justement insisté sur l'importance de mettre en relation, alors, à la fois de travailler sur cette empathie en recentrant pour le coup les élèves sur qu'est-ce qu'un être sensible et en les ramenant à eux-mêmes. Malgré tout, pour qu'ils puissent faire un parallèle entre, ben voilà, vous aussi, vous êtes capable de ressentir des émotions, telles émotions, de les nommer, quels sont vos besoins, etc. Donc, on partait vraiment de ça. Et on a insisté vraiment pour qu'il y ait une relation à l'animal à un moment donné qui soit imposée presque, et que du coup, il y ait une comportementaliste qui vienne avec l'animal dans l'établissement. Pour que cette empathie, elle reste pas juste en surface et qu'il y ait vraiment ce lien qui se crée. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu des résultats qui sont assez encourageants. Et voilà, je voulais rebondir sur ça parce que je pense qu'effectivement, sans être confronté entre guillemets, enfin voilà, travailler l'empathie de façon théorique mais pas pratique, ça fait pas sens en fait, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Eva? Alors oui, bonjour. Du coup, dans le, moi, ce que je pense concernant l'empathie, c'est que les élèves, en effet, comme disait Lisiane, tant qu'ils sont pas confrontés, qu'on rapporte pas l'animal à eux. En tout cas, pour les petites classes, en ce qui concerne les CM1, CM2 et même les plus petits avec lesquels j'ai, enfin, avec lesquels j'ai pu travailler, en fait, ils ne peuvent pas avoir accès encore à vraiment ce terme parce que finalement, même entre eux, ils ont beaucoup de mal à l'appliquer. L'empathie, c'est quelque chose de très, très abstrait. Et concernant l'animal, d'autant plus parce que ce que vous disiez tout à l'heure, en effet, c'est des questions de culture, c'est des questions économiques, etc. Et ben, dans les milieux défavorisés, l'empathie envers l'animal est très peu finalement abordée et montre, enfin, a très peu d'intérêt pour les élèves, puisque malheureusement, ils sont déjà dans un milieu qui leur pose problème au niveau familial, etc. Et donc vraiment, on est très très très loin de ce qu'on peut, on, de ce que la, enfin, on est très loin de qu'est-ce qu'on pense sur les, qu'est-ce qu'on pense de l'empathie sur les animaux, qu'est-ce qu'ils ressentent, etc. Parce que l'enfant lui-même, en fait, est en souffrance. Du coup, en effet, pour travailler l'empathie, c'est important de ramener l'animal à lui-même, enfin de l'animal à l'enfant, c'est-à-dire lui dire, bah voilà, tu vois, j'en sais rien moi, pour les plus petits, tu vois, l'escargot, là, bah, tu l'as écrasé. Il avait une famille, l'escargot, exactement comme toi. Et exactement comme toi, peut-être que et ben, du coup, il reverra plus sa famille. Alors là, tout de suite, ça fait un peu horrible, dit comme ça, mais en fait, tant qu'ils ne sont pas confrontés à leur univers, à eux, c'est très difficile de développer cette empathie, concernant les plus jeunes en tout cas. Merci beaucoup, Marie-Laure. Moi, je suis vraiment assez d'accord avec ce qu'Eva vient de dire par rapport aux petits-enfants. Alors, moi, j'ai envie de distinguer quand même un petit peu l'empathie spontanée et puis l'empathie cognitive qui sont quand même un peu différentes. Nous, à l'école, quand j'ai vu des cours d'empathie, ça m'a, j'avoue que ça m'a un peu fait bondir parce que pour moi, on n'enseigne pas l'empathie. On développe l'empathie, on vit l'empathie. Mais on n'enseigne pas. Il n'y a pas de cours pour apprendre l'empathie comme un cours de maths ou un cours de physique. Donc déjà dans l'appellation, ça m'a un petit peu chagrinée. Et effectivement, par rapport à ce que disait Eva, les enfants lorsqu'ils sont petits, ils ont une empathie assez spontanée pour les animaux. Voilà. parce que ils parlent pas encore, les animaux parlent pas. Bon, on sait tout le travail hein, des chercheurs sur ce sujet de l'empathie naturelle pour les animaux. Majoritairement, les enfants ont quand même une empathie assez développée pour les animaux. Puis c'est un petit peu après que ça se dégrade. Mais c'est là qu'on peut intervenir, nous, justement, en tant qu'éducateurs, en tant qu'enseignants, c'est de développer donc cette forme d'empathie qu'on appelle l'empathie cognitive, en connaissant mieux les animaux. Les animaux en tant qu'espèce, bien sûr, et leurs besoins, mais les animaux en tant qu'individus. Et c'est vrai que le contact avec l'animal, le vécu entre les enfants et l'animal est absolument irremplaçable. Mais attention, là, moi, je mets un gros warning là-dessus parce que la médiation animale, je ne la conçois que si elle est elle-même conçue pour que tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire que les animaux ne soient pas lésés là-dedans. Si l'animal n'est qu'un objet au service du développement de l'empathie des enfants à l'égard d'un animal, là, je ne trouve pas que ce soit bénéfique parce qu'on leur montre exactement le contraire, en fait. Voilà, on va amener l'animal en classe, mais finalement, on fait comme si on ne respectait pas ses besoins, non seulement ses besoins physiologiques, mais surtout ses besoins éthologiques, ses besoins à avoir à leur comportement naturel. Quand je vois, par exemple, un hamster au fond d'une classe dans une cage, bah, c'est juste complètement aberrant. Un hamster, c'est un animal nocturne, ça n'a rien à faire à être sollicité dans la journée. Enfin bon, c'est des conditions absolument inacceptables. Et puis, je crois aussi que nous, dans nos classes, hein, parce que Eva, je crois que tu es enseignante aussi, dans nos classes, je crois que ce qui est important aussi, c'est le modèle empathique. Alors Eva a évoqué, ou quelqu'un d'autre a évoqué tout à l'heure, des conditions pour les enfants, notamment dans des zones qui sont un petit peu difficiles socialement, des conditions qui sont, où on ne développe pas nécessairement l'empathie à la maison. Donc forcément, ce sera à nous de montrer ce que c'est que l'empathie. Mais ça veut dire que nous devons aussi montrer que nous sommes empathiques entre nous, entre collègues, mais aussi envers les animaux. Les enfants aussi. Donc voilà, on a une espèce de rôle de, alors pas de modèle, parce que j'aime pas le terme, mais en tout cas de montrer ce que c'est que l'empathie et de vraiment vivre l'empathie, pas seulement plaquer cette notion d'empathie. Voilà, il faut respecter. Hein. Non, ça fonctionne évidemment pas, bien sûr. Voilà, c'est tout ce que je vais dire sur ce sujet. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, d'abord, merci Marie-Laure, je peux que abonder dans ton sens parce que là, je sais que récemment, je suis contacté par exemple par des cellules recherche-innovation au niveau académique dans différents secteurs en France qui veulent intégrer la médiation animale. Et en effet, enfin, le bien-être animal doit systématiquement être considéré et surtout pas être relégué au second plan. Donc, merci pour avoir pris le temps de ressouligner ça. Je voulais rebondir sur cette question d'empathie. Ce qu'il faut savoir, c'est là, je collabore beaucoup avec des anthropologues et des chercheurs en biologie évolutive. On a un phénomène, en fait, qui est présent, qui est le fait que plus une espèce est proche évolutivement, plus on est empathique envers elle. Alors, ce phénomène-là s'explique par quelque chose qui est assez simple, c'est que plus l'espèce est proche d'un point de vue évolutif, plus on va partager deux caractéristiques physique commune, donc d'un point de vue morphologique, mais aussi comportemental. On voit en fait des comportements similaires qu'on peut interpréter. Par exemple, en effet, nous les humains, on n'est pas de manière spontanée habitués à faire des lectures de posture d'oreille pour savoir comment l'autre se sent. Donc il y a aussi une question d'avoir ce paramètre-là en tête qui va être que on va devoir aider et épauler à la lecture de cet animal-là pour pouvoir s'assurer de son bien-être et de son état affectif et d'une bonne lecture. On évoquait de distinguer aussi entre empathie cognitive et affective. Donc, affective étant juste, je vois l'autre dans un état émotionnel particulier et je réverbère moi aussi dans cet état émotionnel-là. Le côté cognitif étant plus, je sais que si tu es dans telle situation, je vais pouvoir moi déduire que tu te sens comme ça. Et dans ce sens-là, on est dans une position où, en effet, c'est plus un défi pour les plus petits. Faut savoir que, par exemple, on prend un enfant à 4-5 ans, on lui montre un chien qui a une face de colère versus une expression apaisée. Ils ne sont pas forcément capables de faire la différence. Ils vont le développer par la suite. Par ailleurs, 4-5 ans est aussi une zone de frontière. D'un point de vue développemental, c'est-à-dire que c'est le moment où il commence à faire ce qu'on appelle de la théorie de l'esprit, c'est-à-dire à pouvoir déduire que l'autre peut avoir des intentions, des connaissances ou des ressentis affectifs différents de soi sur le coup. Et donc à se dire que même si moi j'ai connaissance de ça, l'autre peut avoir un état de connaissance différent. Donc en plus, ça nous met du challenge sur cette zone des tout petits et qu'il faut essayer de relever. Bien entendu, l'exposition à l'animal est toujours une chose qui est très bénéfique, à la fois pour l'empathie envers l'animal, ça c'est assez connu, mais aussi pour l'empathie envers les humains. Les enfants qui grandissent avec des animaux, qui sont exposés à des animaux, ont de meilleures habiletés empathiques. Après, il n'y a pas de secret, les choses vont dans les deux sens. Plus un enfant est empathique envers l'humain et a des meilleures habiletés empathiques, plus il a potentiel à être empathique envers l'animal, et inversement. Donc, c'est que la question du milieu que vous évoquiez un peu plus tôt est donc d'avoir une culture empathique, en quelque sorte, autour de soi et d'évoluer dans cette culture empathique ne peut être que porteuse pour de meilleurs comportements et une meilleure considération du bien-être chez nos jeunes envers les animaux, en effet. Richard? Oui. Il y a eu toute une tradition philosophique qui a consisté à fonder l'éthique ou la morale, enfin la science de nos comportements, sur l'empathie, donc sur la sensibilité. Et je pense à Rousseau ou à Hume, par exemple. Et avec à chaque fois ce savoir, cette connaissance de la limitation de l'empathie, donc ce périmètre où ce que disait Nicolas, on est plus empathique avec les gens qui sont proches de nous, les gens ou les êtres qui sont proches de nous. Ça marche aussi au sein des humains. Avec tout ce challenge chez Hume, bah, précisément de savoir comment on allait élargir notre périmètre moral pour inclure de plus en plus d'individus dans nos considérations morales. Mais ces traditions philosophiques qui fondent la morale sur l'empathie, précisément, en fait, l'objection qu'elles ont reçue sont des objections du monde rationaliste, en fait, je ne sais pas, Kant, qui disent bah, précisément, c'est un tel problème de fonder la morale, d'appuyer la morale, de la légitimer sur l'empathie, c'est un tel problème qu'il ne faut pas le faire. Et donc, il faut au contraire fonder, alors ça rejoint un petit peu là aussi ce que disaient Marie-Laure et Nicolas sur l'empathie cognitive, en fait, ça va vers ça. C'est-à-dire que la morale, il ne faut pas la fonder sur l'empathie, ce n'est pas possible, il y a trop de problèmes, on n'arrive pas à élargir nos cercles moraux suffisamment. Il faut la fonder sur la rationalité. La rationalité, donc challenge pour les tout-petits, effectivement, il faut la fonder sur la raison. Pourquoi? Parce que la raison, il n'y a pas de limite. 2 plus 2 égale 4, tout le monde le comprend, c'est universel, tout le monde le saisit, il n'y a pas de limitation avec l'échelle, la proximité, mon frère, ma sœur sont plus importants que l'inconnu au bout du monde et encore plus que l'animal. Donc la rationalité, c'est ça la bonne solution et c'est la tradition philosophique occidentale classique, c'est Kant, Descartes, donc Platon, la rationalité. Dans les deux cas. Fonder la morale sur l'empathie ou fonder la morale sur la raison, il y a un problème de tout ce paquet-là, c'est qu'on reste dans une tradition très anthropocentrée. C'est-à-dire que dans tous les cas, on est dans la responsabilité de l'homme vis-à-vis de l'autre. Et donc, on est dans la question des devoirs ou la question de la bientraitance ou la question de ce que disait Marie-Laure, c'est-à-dire que l'animal va être une occasion pour nous de nous améliorer moralement ou d'améliorer notre empathie. Et donc, dans tous les cas, empathie ou sensibilité et rationalité, dans tous les cas, c'est l'homme au centre, et on ne se décale pas encore vers la question des droits, qui est beaucoup plus radicale. Et on pourrait dire qu'au fond, dans les deux cas, développer l'empathie ou même fonder la morale sur la rationalité pour les plus grands, c'est bien, mais c'est seulement un premier pas, ce qu'on fait dans le domaine de l'éducation, c'est seulement un premier pas qui touche les mentalités, la sensibilité, la raison, c'est seulement un premier pas pour aller vers le deuxième, qui serait beaucoup plus radical en termes de droit. Et là, ce qu'il faut, ce n'est pas des mentalités qui changent, c'est une protection juridique extrêmement solide, avec des droits qui seraient donnés à des êtres. Et il ne s'agirait pas ni d'être empathique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne serait pas empathique, ben ce n'est pas grave, il y a des droits qui doivent être protégés. Quelqu'un qui n'aurait pas la rationalité suffisante pour adopter le bon comportement, ben ce n'est pas grave. Il y a des droits avec des entités juridiques. Et donc, toutes les morales, soit de sensibilité, soit de la raison, seraient, si on allait dans le champ plus radical du droit des animaux, eh bien, il faudrait en faire simplement une première étape, qui serait peut-être notre vocation dans l'éducation, une sensibilisation, pour faire bouger d'abord les mentalités, pour aller ensuite vers la question beaucoup plus objective, du droit. Merci Thibault. Juste un petit point, effectivement, pour aller dans le sens de Richard, je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, on le voit, enfin, on peut aussi, sans prendre l'exemple des animaux, simplement regarder comment l'empathie se développe entre groupes humains. Il y a beaucoup de travaux, par exemple, sur l'empathie pour les victimes de guerre. Et donc, on voit qu'en fonction des conflits, l'empathie ou dans le champ médiatique, par exemple, n'est pas du tout la même selon les groupes victimes de guerre. Or, leurs droits sont les mêmes. Les droits des réfugiés sont les mêmes partout, par exemple. Moi, je suis plutôt favorable aussi à faire bouger le débat sur la question juridique de la défense des droits plutôt que le développement de l'empathie, qui est un concept qui me paraît assez dépolitisant. Il y a des travaux assez récents là d'une neuroscientifique, Sama Karaki, qui a publié un livre qui s'appelle L'empathie politique, justement, qui démontre comment l'empathie, comme n'importe quel autre concept est construit socialement et dépend forcément de notre éducation, de notre milieu social, de ce qu'on considère comme autre, enfin, où on met la frontière entre ce qui est proche de nous et ce que l'on considère comme autre. Et donc ça renvoie aussi à ce que disait Nicolas sur la proximité avec d'autres espèces, pourquoi on sera empathique avec certaines espèces et pas d'autres. Et donc voilà, moi je suis un petit peu pas forcément très à l'aise avec ce concept d'empathie que je trouve pas forcément opérant politiquement pour vraiment renverser la table du dualisme entre les humains d'un côté et la nature, d'autant qu'effectivement on peut pas enseigner l'empathie en tant que telle, puisqu'elle dépend d'autres facteurs. Par exemple, est-ce que les humains se considèrent comme des vivants parmi les vivants? Effectivement, si on réussit à enseigner ce principe-là, qui est un principe d'éthique environnementale, derrière, on peut espérer que l'empathie suivra pour d'autres compartiments du vivant que les humains. Si on reste dans une approche anthropocentrée, forcément, l'empathie ne pourra pas suivre. Merci, Marie-Laure. Oui. Alors, je voulais revenir sur un point qui a été évoqué, c'est l'infériorisation des animaux. Alors, quand on veut développer l'empathie ou quand on manque d'empathie envers telle ou telle personne ou tel animal, il y a effectivement toujours associé une infériorisation de l'autre. Par exemple, fut une époque, on infériorisait les humains en les animalisant. Aujourd'hui, on infériorise certains animaux en les réifiant. Donc l'animal devient effectivement un objet d'exploitation, un outil au service d'eux. Et donc c'est une manière d'inférioriser ces animaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais revenir sur l'idée des espèces emblématiques dont on a parlé et des animaux mignons. Dits mignons, qui finalement focalisent notre intérêt et notre empathie. Mais les animaux moins mignons, comme le crapaud par exemple, eh ben, il va falloir travailler davantage parce qu'on va le trouver moins mignon et du coup, notre considération, elle va moins être émoussée par cet animal-là. Donc il y a vraiment une redéfinition. On est des humains, hein, et on aime classer, on aime ranger dans des catégories, etc. Et il faut essayer de dépasser ça, justement, pour aller au-delà, et pour donc faire finalement on est toujours très anthropocentré, donc on est toujours dans une forme d'humanisme, et d'essayer d'élargir cet humanisme vers un humanisme de l'altérité. Donc ça en passe effectivement par l'empathie, mais il faut pas oublier une chose, et ça je crois que c'est important aussi de le dire, c'est que il y a aussi des empathiques qui sont des pervers. L'empathie cognitive, c'est savoir ce que ressent l'autre, savoir aussi comment je vais pouvoir faire souffrir l'autre. Et les pervers, ce sont des grands empathiques aussi, hein. Je ne parle pas des psychopathes parce qu'eux n'ont pas d'empathie, mais les pervers, ce sont aussi des grands empathiques. Donc attention à la notion d'empathie. L'empathie, oui, mais il faut qu'elle soit bénéfique, cette empathie. Parce que si c'est pour développer des comportements où je sais que je peux être cruel envers l'autre, le faire souffrir parce que je le connais mieux, il y a vraiment méfiance à avoir par rapport à cette fameuse empathie. Et je trouve très intéressant aussi ce que disait Thibault par rapport à la nécessité du juridique. Nous, quand on intervient auprès des classes et quand moi je fais mes travaux auprès des classes, on a toujours un volet de juridique justement. Attention, la loi, elle dit ceci. Si on a tel ou tel acte de cruauté par rapport à tel animal, voilà ce que l'on encourt. peine de prison, amende, etc. Le juridique est là pour éviter qu'on fasse du mal à autrui, autrui humain ou autrui animal. Et ça, je pense que c'est important de le mettre effectivement aussi dans la balance. C'est pour ça que c'est quelque chose quand même qui est tout à fait multifactoriel. Il faut agir sur plein d'entrées différentes en même temps, je pense. Merci beaucoup. Et alors du coup, qu'est-ce qui vous a tous amené à mener ou à étudier des projets, j'allais dire pas forcément des projets d'ailleurs, sur le respect animal et quels sont vos objectifs pédagogiques et éducatifs, Lisiane? Alors, ben nous, le point de départ, c'est déjà la situation locale à La Réunion, comme je le disais tout à l'heure, où c'est vrai qu'on a une forte problématique d'errance animale, avec du coup pour conséquence beaucoup d'actes de maltraitance, des problèmes au niveau écologique, au niveau économique, enfin les problèmes voilà, sont vraiment multifactoriels. Et donc, en fait, le point de départ, c'est qu'un jour, collé en fait à notre école, on avait un chien qui était en pas très bon état. Et du coup, bah, on l'a ramené dans la salle des maîtres en fait à ce moment-là. Et on a vu des enfants qui étaient justement, comme le disait tout à l'heure Eva, dans des situations très très précaires, placés en famille d'accueil, qui avaient subi des violences, etc. Et on avait beaucoup de, comment dire, de problèmes de comportement pour le coup avec ces enfants-là. Alors le chien a été isolé évidemment parce que je rejoins aussi Marie-Laure sur l'importance ben, voilà, de protéger avant tout le bien-être animal évidemment. Et, mais ces deux enfants voilà, sont rentrés dans la salle et en fait c'est quand on a vu leur réaction qu'on s'est dit mais on a sans doute quelque chose à faire en fait voilà autour de l'animal parce que ils sont rentrés et on les a pas reconnus en fait. Ils ont tout de suite eu une espèce justement d'empathie du cœur, comme le disait Marie-Laure, assez spontanée. Et à la fois, ça les questionnait parce qu'ils comprenaient pas qu'on puisse ramener un chien, lui donner à boire, le mettre à l'abri, quand eux-mêmes, évidemment, vivaient des situations qui étaient absolument atroces. Et du coup, de là, on avait déjà commencé à travailler sur la mallette pédagogique, mais on a décidé de créer un projet d'accueil ponctuel. Alors, c'est pas, on n'accueille pas un chien à temps plein dans notre école. On a choisi, par contre, de former tous les enfants de la petite section jusqu'au CM2 ben, sur la question du bien-être animal et du respect de l'animal. Du coup, ce qui est chouette, c'est que ça a été vraiment un projet d'équipe. Quand on l'a soumis aux collègues, voilà, ils ont tous accepté. C'est un projet du coup qu'on a fait signer, enfin qu'on a validé en conseil des maîtres, puis en conseil d'école avec les représentants des parents d'élèves. On a vraiment essayé de, voilà, de se protéger aussi au niveau administratif. Et donc, dans ce cadre-là, on a décidé d'accueillir. Alors, c'était un peu plus facile puisque c'était l'animal de la directrice. Un chien qui venait du coup dans l'établissement ponctuellement, mais qui est déjà d'abord venu avec une comportementaliste qui expliquait effectivement les caractéristiques physiques et comportementales de l'animal, qu'est-ce que ça veut dire quand un chien se lèche les babines, etc. Enfin voilà. Le point de départ aussi étant que on a à peu près 23 000 cas recensés de morsures, ça c'est les chiffres de la préfecture sur l'île annuellement. Donc en fait, et on voyait bien des fois des chiens qui arrivaient à se faufiler dans l'établissement, les enfants avaient toutes les réactions qu'il fallait pas. Donc c'est vrai qu'on est dans un contexte en fait assez particulier ici, où on s'est dit, bon, bah, pour éviter aussi ce risque-là qui est réel à La Réunion, il faut quand même qu'on bah, oui, qu'on forme nos petits citoyens sur ben, l'importance de protéger les animaux, de se protéger eux-mêmes, etc. Et puis de réussir à vivre ensemble, en fait, parce que c'était vraiment ça l'idée. Et donc voilà, on a eu la chance là cette année d'avoir un gros soutien de la préfecture qui a demandé au rectorat de mettre en place des actions. En ce sens, le rectorat s'est rapproché de nous et du coup, voilà, là, il y a vraiment des projets qui sont en train de naître à l'échelle locale et on s'en félicite parce que c'est presque, enfin, en tout cas, que l'académie s'en empare au niveau de enfin, ils ont carrément en fait communiqué à l'échelle académique auprès de tous les établissements sur les actions qui pouvaient être mises en place. Voilà, c'est je crois à ma connaissance une première au niveau national, je ne sais pas trop, mais en tout cas, voilà, on espère que ça fera des bébés, on va dire. On Voilà. mettra le lien du site académique. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'action ou de réflexion de ta mallette? Oui, alors en fait, comme je disais tout à l'heure, on part en tout cas dans la séquence qu'on a proposée. On part vraiment. Alors, c'est quelque chose d'un peu autocentré, effectivement, mais on travaille avec des petits. Je pense que on n'a pas forcément la même approche quand on travaille avec des collégiens ou des lycéens, évidemment. Mais l'enfant, par définition, est un être quand même assez auto-centré à la base. Du coup, voilà, on part de leur ressenti. Qu'est-ce qu'un être sensible? Toutes ces questions-là. Est-ce que vous êtes des êtres sensibles? Est-ce qu'un animal est un être sensible? Et si oui, en fait, on essaye de commencer à faire des parallèles sur ce qui les rend finalement pas si différents. Et à la fois unique. Et après, on va vraiment partir sur les caractéristiques physiques et comportementales au niveau théorique pour les amener justement sur la rencontre avec l'animal. On a créé des petits dessins animés qui parlent de l'importance de la stérilisation, de l'éducation, etc. On est vraiment sur les besoins. On a un album jeunesse aussi qui a été fait et cofinancé par la préfecture. Donc toutes les classes disposent du petit album, c'est Laika et tous les autres, qui explique en gros comment un animal peut se retrouver dans une situation d'errance et quels sont quel est l'avenir de cet animal qui va être capturé par la fourrière, voilà. Avec deux volets, la famille qui adopte l'animal pour le faire, enfin voilà, et qui va du coup en prendre soin. Et puis le dernier point, effectivement, on a travaillé avec la police nationale ici sur des petits visuels en fait qui rappellent la loi. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait plutôt avec les grands. Quand je dis les grands, ça va être plutôt le cycle 3. Parce que, alors après, d'ailleurs, ça m'intéresse énormément d'avoir le point de vue des collègues à ce sujet, mais c'est vrai que nous, on a pris le parti de commencer par travailler vraiment sur voilà, la notion d'empathie, de respect de l'animal, etc. D'abord avec les plus petits, et d'aller de plus en plus vers les questions de droits et de devoirs avec les plus grands. Parce qu'on a l'impression que ce sera plus parlant pour eux. Mais après, je suis assez ouverte à échanger sur cette question-là, notamment avec Marie-Laure. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Marie-Laure. Et pour les autres collègues aussi, du coup, qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur le respect animal avec vos élèves et quels sont vos objectifs pédagogiques et éducatifs? Marie-Laure? Oui, alors ce sera un grand plaisir d'échanger avec toi, Lisiane. Je trouve que vous avez un projet qui est déjà très très avancé et c'est formidable parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'on piétine par rapport à. Alors peut-être que votre problématique elle est arrivée tellement énorme qu'il a fallu faire quelque chose et que du coup ça a poussé l'académie à prendre voilà à prendre le taureau par les cornes. Mais nous, on n'en est pas là malheureusement, et je suis très très intéressée d'échanger avec toi. J'avais une question pour Lisiane, si je peux me permettre. Est-ce que tu dis que vous avez travaillé avec la police nationale? Est-ce que vous avez aussi travaillé avec les associations de protection de l'enfance? Alors, non, il en a été question à un moment donné. On voulait se rapprocher, notamment parce que, alors, au niveau associatif, on avait d'autres projets qui étaient notamment de mettre en place des campagnes de stérilisation, parce que finalement, c'est ce qu'il y a de plus efficace, hein, pour lutter contre l'errance. Et du coup, on voulait se rapprocher justement des CCAS, etc. Et finalement, c'est plus une question de temps qui fait qu'on n'a pas pu le faire. Voilà. Je peux peut-être donner juste un petit exemple de ce qu'on fait en Oui, place, si tu ok. permets, Émilie, pour qui ressemble à ce que vous avez mis en place, Lisiane, avec le chien de ta directrice, de ta collègue. Nous, dans la classe, on accueille des chatons de rue, des chatons qui sont récupérés par des associations ou des parents d'élèves parfois. Et ce chaton, on l'accueille en classe. Alors, c'est pas l'idéal hein, d'avoir un chat en classe, mais quand il est chaton, ça va encore. Évidemment, on travaille ça très en amont avec les enfants, mais aussi avec toute l'équipe pédagogique, parce que il faut que les enfants sachent qu'un chaton, ça a besoin de beaucoup de sommeil, etc. Enfin, donc, on fait tout un programme d'accueil pour le chaton. Et ils font connaissance donc avec le chaton. Et ensuite, l'idée, c'est d'expliquer pourquoi ce chaton s'est retrouvé dans la rue, qu'il était voué finalement à une mort, sans doute, hein, en tout cas au froid, à la faim, aux maladies, etc., pour justement les sensibiliser à l'errance féline et montrer la nécessité de la stérilisation. C'est un moyen aussi pour que le message soit transmis vers les familles. C'est très important de stériliser les chats pour éviter l'errance féline. Alors, de même, évidemment, pour les chiens, c'est un petit peu moins vrai peut-être en France métropolitaine, pardon, qu'à La Réunion, mais en tout cas, voilà. Et ensuite, ce chaton, il a vocation à être placé dans une famille, définitivement, donc à être adopté. Mais adopté, pas à n'importe quel prix non plus. Voilà, avec les enfants, on mène un vrai projet d'adoption future de ce chaton dans les meilleures conditions possibles et avec un retour de la famille adoptante. Voilà, et on a toujours des petites photos, etc., des chatons qui ont été adoptés les années précédentes. Donc voilà, c'est un petit exemple de ce qu'on peut faire aussi en classe et qui finalement amène aussi une certaine responsabilisation des enfants, hein. C'est aussi de la citoyenneté que de se pencher sur cette problématique et même avec les plus jeunes. Enfin, moi, j'ai des CM1, CM2, donc ils sont un petit peu grands quand même. Voilà. Merci. Eva? Eh ben moi, je vais rebondir sur ce que disait Lisiane, parce qu'on est parti du même constat avec les collègues. Sauf que nous, ça ne s'est pas passé dans le sens où on a découvert que l'enfant avait de l'empathie. Bien au contraire, on avait dans une école un chien qui venait régulièrement chercher un enfant à la sortie de l'école, ce qui était, enfin, c'était. Une famille qui était en très très grande précarité, qui était dans des habitations spontanées et qui ont fini par obtenir un logement. Et donc ils ont déménagé sans le chien. Et le chien venait toujours chercher l'enfant à l'école, sauf qu'il n'y avait plus l'enfant à l'école. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est posé la question, on leur a dit, mais enfin, le chien est resté là. Et tous les élèves spontanément ont dit, bah oui, on n'emporte pas l'animal, enfin, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et de là, on s'est rendu compte qu'il allait vraiment falloir travailler là-dessus parce qu'ils étaient unanimes sur bien sûr qu'on ne l'emmène pas. Et donc, là, de là, on a vraiment, en tout cas dans ma classe, commencé à lancer un vrai projet là-dessus puisque j'essaye, moi, de les emmener à comprendre que chacune de leurs actions, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs, a un impact sur la famille, sur l'environnement, sur les animaux, mais a un impact positif ou négatif d'ailleurs. Et l'idée, ça a été de là, en fait, de travailler avec des associations, donc notamment avec la L214 et Dominique Offenbauer, quand on s'est rendu compte qu'on a eu d'autres informations, parce que suite à ça, j'ai commencé vraiment à leur poser des questions. Ils m'ont dit, bah oui, moi, mon chien, il vit sur le balcon, on ne le laisse jamais rentrer. Ah bon, mais même s'il fait froid ou s'il fait chaud, bah oui. Et en fait, vraiment, les élèves ne voyaient vraiment pas où était le problème et du coup, la réaction que je pouvais avoir. Donc, c'était vraiment pour ça que on est parti de leurs propres expériences, notamment avec voilà, Dominique, la L214. On a également fait venir Greenpeace, etc. On a vraiment travaillé sur ces sujets-là. Et du coup, le projet, c'était ben, déjà de leur faire comprendre voilà, ce que je disais, que chacune de leurs actions a des conséquences. Et au-delà de ça, de les amener à réfléchir sur ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un impact, pour changer ça? Et donc, dans la classe, l'idée à chaque fois, c'est de les laisser choisir le combat qu'ils voudront mener. Et donc, bah, généralement, forcément, ça se tourne vers les animaux parce qu'on aborde plusieurs sujets comme l'environnement, etc. Mais ils se tournent vers les animaux. Et donc, dans la classe, l'idée, c'est qu'ils créent leur propre projet. Donc, Là, en l'occurrence, on les a amenés. Ils ont décidé de se concentrer sur Action Protection Animale, qui va également venir en classe avec un chien. Là aussi, c'est tout un processus, hein, pour faire venir un animal en classe. C'est très compliqué. On se heurte à plein d'obstacles. Mais bon, donc du coup, on a décidé de faire une collecte pour les animaux, de nourriture, d'objets en tout genre, etc. Avec les élèves pour faire des dons aux associations. Et alors concrètement, un exemple de séance où tu les as amenés à réfléchir justement sur comment tu t'y es prise. Mais pareil, en partant de finalement, donc beaucoup de travail sur l'empathie en effet, et suite aux interventions des associations, parce que je pars d'abord vraiment des associations, un vrai travail sur bah, du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça vous a touché? Est-ce que vous avez envie de travailler dessus ou est-ce que vous voulez faire autre chose? Et du coup, généralement, la réponse est positive. Et donc de là, eh ben, on va voir ce qui les a touchés le plus. Est-ce que c'est travailler sur le soin, expliquer aux gens comment on s'occupe d'un animal? Est-ce que c'est plutôt agir et aller directement nous faire quelque chose, aller une journée dans une association pour faire du bénévolat? C'est vraiment pour pouvoir développer cette empathie, justement, je cherche à ce que eux soient acteurs de tout ça, pour prendre conscience. Merci beaucoup. Nicolas? Oui, alors je vais essayer de répondre d'abord à la question de pour comment je suis arrivé sur ces questions de recherche. Pour ma part, je suis beaucoup à travailler sur les questions de quelles sont les contributions de l'animal au développement de l'enfant, donc que ce soit l'enfant neurotypique ou l'enfant avec un trouble du neurodéveloppement. Et ce qui va m'intéresser, c'est ça dans différents cas, que ce soit l'animal de compagnie, que ce soit un chien d'assistance qui est remis à un enfant qui présente par exemple un trouble du spectre de l'autisme, ou encore quand on fait de la médiation animale, par exemple en secteur scolaire. Et forcément, ces questions de recherche-là m'ont amené à aussi me poser les questions de comment l'animal a ces apports-là et qu'est-ce qui explique ces mécanismes, et notamment bah, aussi bah, comment on éduque à la réciproque. Et donc, on facilite la capacité de l'enfant à bien interagir avec l'animal, puisque c'est ces interactions-là qui vont être porteuses des apports qu'il va pouvoir avoir. Je vais me permettre de rebondir peut-être sur un point, parce que c'est peut-être juste pour nuancer. Un élément, c'est qu'on a évoqué à différentes reprises des cas de familles défavorisées. Je pense qu'il est important d'insister sur le fait que éduquer à l'empathie envers l'animal, ce n'est pas une question de milieu défavorisé, c'est une question qui est commune à tous les milieux. On peut se grandir en milieu défavorisé et avoir une empathie formidable envers l'animal et inversement. C'est une question comme je disais, d'exposition, mais aussi de culture autour de l'animal à laquelle les parents peuvent nous éduquer, à laquelle notre milieu peut nous éduquer. Et par exemple, on peut vivre dans les plus beaux quartiers du centre-ville de Paris et malheureusement ne pas être amené à croiser un animal, à fréquenter des milieux qui nous transmettent une culture autour de l'animal et des questions de son bien-être. Et il faut considérer ça. Très souvent, les familles défavorisées, là, le cas que nous décrivait Eva est assez criant, mais où bah, l'abandon de l'animal peut être lié notamment à des questions de limitation financière, parce qu'on ne peut pas se permettre, ou parce qu'on doit déménager et malheureusement, on n'a pas le budget pour intégrer un logement qui nous permette d'accueillir cet animal. Et il faut avoir conscience de ces limitations-là. La période aussi actuelle est une période aussi où on se pose beaucoup de questions. Là, récemment, on a eu la période Covid-19 où beaucoup de foyers ont intégré des animaux et s'en est suivi, bon, bah, voilà, enfin, toutes les hausses au niveau des prix qu'on a connues par la suite et où beaucoup de foyers ont dû se confronter à la question et des sondages qui nous montrent. Est-ce que je dois faire le choix en fait de acheter encore de l'alimentation pour mon animal et investir dans des activités pour son bien-être versus moi, en fait, m'acheter une alimentation de qualité. Et beaucoup de propriétaires d'animaux sont, avec les hausses de prix actuelles, dans ces questions-là. Donc, c'est sûr qu'il faut peut-être se dire aussi que voilà, la question des fois de certains comportements dans les milieux défavorisés sont liés à des limitations, mais que dans tous les cas, la question de l'éducation à l'empathie envers l'animal et à la bientraitance animale, c'est tous les milieux qui sont concernés. Merci. Et alors, Richard et Nicolas, comme vous êtes professeurs de philosophie, comment on rentre dans cette question-là en philo, Richard? Alors, on y rentre par le cours de philosophie morale pour ma part en terminale. Et on parlait là des sujets des familles, des enfants dans les familles. C'est souvent un sujet de ce que me rapportent certains parents d'élèves ou les élèves. C'est souvent un sujet qui s'invite vraiment à la table familiale le soir et qui fait que le cours de philosophie reste pas dans la salle et va vraiment, vraiment dans les familles, en suscitant un certain nombre de débats, parfois de crispation. Donc c'est une application pour ce qui me concerne des grands concepts de la philosophie morale, hein, déontologisme, utilitarisme en terminale. Et en première, alors c'est là où finalement je le traite peut-être de manière la plus peut-être simple ou pragmatique, c'est en première en spécialité HLP, humanité, littérature et philosophie. Parce que depuis la réforme du bac, il y a 3-4 ans, les élèves qui choisissent cette spécialité peuvent toucher un petit peu la philo dès la première et pas seulement la terminale. Et le programme de première se prête beaucoup à cette question, puisque une des thématiques s'intitule L'homme et l'animal. Alors, il s'avère que ce que je fais, et je crois qu'on est un certain nombre à faire ça, on prend la question L'homme et l'animal. Non pas dans toute son ampleur, mais à partir de questions comme ça, morales et éthiques. Et ce qui me donne d'ailleurs l'occasion de... C'est comme ça que j'avais rencontré Monsieur Bauer de l'association L214, qui vient et qui s'appelait beaucoup aux élèves, s'intéresse beaucoup aux élèves. On démarre la séquence comme ça avec son intervention en classe. Et puis ensuite, ça me donne, moi, l'occasion de poursuivre à partir de textes, à partir d'auteurs, à partir de doctrines. Donc, je prends les choses à l'envers en première. On part du cas de l'éthique animale et après on déploie les grandes doctrines morales. En terminale, je fais plutôt l'inverse. Et puis, ce sont des questions qui, vraiment, l'éthique animale, si on veut rentrer dans ce que c'est que plus largement la philo et puis la question du problème, on est vraiment sur un domaine qui pose des problèmes dans tous les coins. Des problèmes moraux, évidemment, des problèmes logiques. Et puis, on l'évoquait tout à l'heure avec Thibault et les autres. Des problèmes politiques, c'est-à-dire que la morale, à un moment donné, elle n'est plus suffisante et il faut passer à l'étape d'après, c'est-à-dire à la question politique. Et puis, voilà. Donc, quand les élèves sont un peu dans ce bain-là, c'est-à-dire que ce qu'ils pensaient savoir en termes d'évidence, tout le monde veut la bientraitance, et puis qu'ils se rendent compte qu'en fait, leur comportement, même leurs idées, leurs concepts, les mots qu'ils employaient pourtant, tout ça leur paraît plus du tout évident et au contraire, ils savent même plus ce que ça veut dire. Généralement, on est plutôt content. Et alors concrètement, comment tu fais? Vous travaillez à partir de textes, De de textes, débats, alors de... de débats, Non. alors non, Non. je ne fais pas trop. Les élèves réclament beaucoup des débats, généralement je les frustre beaucoup, mais non, des questions, il y a beaucoup de questions, il peut y avoir des débats en fin de séquence, mais sinon les débats risquent de vraiment de brasser des lieux communs et d'être dans le. On part de textes. On part de grandes doctrines morales, des grands textes de philosophie morale, alors qui soit on part de la philo morale, on disait tout à l'heure Hume, Rousseau, Kant, Descartes, la tradition classique, et puis aller vers les auteurs plus contemporains, Bentham, Mill, Singer, aujourd'hui en éthique animale. Soit on démarre directement des questions d'éthique animale, parfois on les croise, on évoquait la question politique, donc les questions de la zoopolice, les questions de l'animal chez Derrida, le féminisme aussi, qui peut aussi largement être croisé avec les questions de l'éthique animale. Soit on part sur ces sujets croisés, à partir de textes qui généralement peuvent faire un petit coup de fouet au début, parce que les thèses peuvent être déstabilisantes pour les élèves. Et puis ensuite, on essaie d'avancer un travail quand même un peu précis, conceptuel, en essayant de définir les mots qu'on emploie, les distinguer, en comprendre les implications éventuellement morales et politiques. Donc on part comme ça des textes, un travail à la fin assez austère, mais qui est nécessaire. Et apparemment instructif pour eux. Et toi, Nicolas, du coup, pareil en philo? Oui, bah écoute, je reprends ce que Richard a très très bien formulé. Effectivement, j'interviens également en cours de spécialité humanité, littérature et philosophie en classe de première, donc sur le thème de l'homme et l'animal. Et Dominique intervient également auprès des élèves, sous la forme d'une, on va dire, d'une conférence-débat autour de la sensibilité animale. Cette année, je vais tester quelque chose. Je ne peux pas vous en parler parce que c'est en construction avec mon collègue de littérature, parce que c'est un cours qui est partagé entre la philosophie et la littérature. On va travailler ensemble avec nos élèves sur le film Le règne animal. Donc on organise deux séances de projection autour de ce film, Le règne animal. Et puis ça va nous permettre de travailler cette question à partir de la frontière. Frontière humain-non humain, à partir de quand peut-on parler de l'humain et du non humain, et peut-être d'interroger cette distinction, parce qu'on n'a pas forcément d'ailleurs nous-mêmes interrogé aujourd'hui. D'un côté il y aurait des humains, puis d'un côté il y aurait des animaux, mais en fait, on va dire, mais il n'y a pas des animaux et des humains, il y a des animaux humains, des animaux non humains, ou plutôt même, il y a différentes espèces, et parmi celles-ci, il y a des sapiens sapiens, c'est-à-dire nous qui sommes les derniers, peut-être les derniers, j'en sais rien, fruits d'une évolution. Bref, et donc interroger sur cette question de l'humain et de non-humain, et en toile de fond, la question du spécisme, où effectivement, Richard, on recoupe la question des discriminations et des représentations. Raciste, sexiste, spéciste, qui, comme ça, catégorise et hiérarchise. Donc ça, c'est le travail en première. Ce sur quoi je voudrais simplement revenir, c'est le travail que j'ai initié l'an passé. Alors, cette année, je n'ai pas pu le refaire parce que je n'ai pas ce cours dans mon emploi du temps. On était en classe de terminale générale, dans le cadre d'un cours d'éducation morale et civique, EMC. Et le programme de terminale, c'est un programme de philosophie politique, c'est sur la démocratie. La démocratie et les démocraties. Et donc j'ai choisi l'an passé de construire un projet autour du lien entre écologie et démocratie pour répondre à mes propres préoccupations et puis peut-être aussi celle des élèves, peut-être assurément celle des élèves, d'une forme d'éco-anxiété. Une forme d'éco-anxiété et d'impuissance. C'est-à-dire, on a l'impression que, malheureusement, ce n'est pas une impression, ça part en vrille, quoi. Enfin, voilà, que le monde s'effondre et que face à ça, en fait, bah, soit on défile dans la rue avec des pancartes, urgence, urgence, et puis en fait, on rentre chez soi, soit on vote, bon. On voit ce que ça peut donner. Soit on entre dans des formes d'action plus directes, pas forcément nos élèves, qui sont encore un peu jeunes, mais voilà, enfin, les soulèvements de la Terre et autres extinctions rébellions. Mais avec, voilà. Et finalement, à la fin, on se retrouve avec un Donald Trump à la Maison Blanche, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Et au-delà de ce constat, enfin, j'avais envie de partir de ce constat pour essayer de. D'emmener les élèves, non pas vers des solutions, mais vers quelque chose de l'ordre de l'engagement. C'est un peu ce que dit Baptiste Morisot, c'est-à-dire que la crise de nos sociétés humaines, c'est une crise de nos liens avec le vivant. Et donc, essayer de réinterroger nos liens avec le vivant. Alors, d'abord, il y a eu, dans une première partie de l'année, une approche, j'allais dire, purement philosophique. J'ai travaillé à partir d'un bouquin de Jean-Philippe Piron, une professeure de philosophie, Je est un nous. Enquête philosophique sur nos interdépendances avec le vivant, dans lequel Jean-Philippe Piron introduit la notion d'éco-biographie. D'éco-biographie, en disant il faut essayer peut-être de penser notre lien avec les autres humains et les non-humains à partir des éco-biographiques qu'ils génèrent en nous. Et donc, ce que j'ai proposé aux élèves, c'est finalement d'essayer de construire leur éco-biographie, ou une forme de leur éco-biographie. Et puis ensuite, dans un deuxième moment, on est allé vers la question. Juridique, c'est-à-dire que finalement, si nous sommes des citoyens à part entière, des citoyens et des citoyennes, quelle place peut-on donner, ce que je disais tout à l'heure, je me répète, aux non-humains? C'est là où Dominique Hovemaure est venu sur 5 ou 6 séances pour essayer de construire un projet zoopolitique. C'est là où Thibault, ici présent, est venu présenter la question de possibles droits d'écosystème. Et puis, on a accompagné ça sur 2, 3, comment dire, séances, j'allais dire plus directes. Un temps d'initiation au compostage. Compostage quartier. Une amie qui est maître composteur qui est venue faire ce temps d'initiation avec les élèves. On a également, parce qu'on a la chance de travailler à côté d'un parc urbain, le parc Pasteur, une personne de la LPO, la Ligue Protection des Oiseaux, qui est venue faire une petite séance de découverte de la faune locale. Et puis, alors malheureusement, ça n'a pas pu se faire sur la fin parce qu'il y a eu la fin de l'année et puis il y a eu un projet de il y a eu une dissolution. On devait rencontrer un parlementaire, un parlementaire de Tours, M. Fournier, pour essayer de confronter les propositions des élèves sur le projet zoopolitique et le droit de l'écosystème à la réalité du travail parlementaire. Voilà pour les éléments concrets, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui m'a animé derrière, c'était d'essayer de répondre à ce sentiment d'impuissance que l'on peut ressentir, en tout cas que moi je ressens, à titre personnel, je ne suis pas sûr que ça soit forcément généralisable, par une réflexion d'ordre politique, juridique et philosophique sur la question, pas forcément de l'empathie, pas forcément des droits et des devoirs, mais la question de la citoyenneté, d'une citoyenneté élargie. Voilà. Ça, c'était le programme, le projet de l'éducation morale et civique de l'an passé. Évidemment, comme Richard, je réintroduis aussi dans les cours de philosophie générale et technologique cette question du statut de l'animal dans un angle moral, à partir des grandes philosophies que tu évoquais tout à l'heure. Merci beaucoup, c'est passionnant. Marie-Laure? Oui, je crois que c'est Nicolas également qui a parlé du travail qu'il effectuait par rapport à la distinction humain et non-humain. Est-ce que cette distinction est pertinente ou pas? Alors, bon, la réponse est dans la question, bien sûr, mais et puis aussi celle du spécisme. Alors, personnellement, je pense qu'il y a vraiment énormément à travailler là-dessus parce que on a beau finalement montrer que les humains sont des animaux pas comme les autres, mais comme tous les autres animaux, nous sont des animaux pas comme les autres aussi. Finalement, on se rend compte que ça résout pas grand-chose, le fait de savoir que l'humain est un animal. Et puis, la question du spécisme et de l'antispécisme, pour moi, est extrêmement importante, l'antispécisme, évidemment, mais de la même manière, elle ne résout pas tout non plus, bien évidemment, parce que, pour prendre simplement un simple exemple, certaines personnes vont être amenées à bien traiter leur propre animal et un autre chat qui ne va pas être de leur famille ne vont pas avoir la même considération pour cet autre chat, par exemple. Donc là, on est dans la même espèce et pour autant, on n'a pas la même considération. Donc il y a un niveau bien évidemment supplémentaire qui est celui du familier, sans doute, qui est à travailler avec les enfants. Et puis, il y a quelque chose que Nicolas a évoqué aussi qui me semble extrêmement important, c'est, alors moi, je l'appellerais comme ça, hein, mais c'est l'intersectionnalité, c'est-à-dire effectivement montrer les ressorts communs qui existent entre le spécisme, le racisme, le sexisme. Et nous, en tant qu'éducateurs, on a beaucoup à travailler justement sur l'égalité filles-garçons. Donc, on peut travailler à travers aussi cette problématique de l'égalité filles-garçons sur quels sont les ressorts finalement qui créent une inégalité hein, de considération dans les cours de récréation par exemple, mais pas que évidemment, et cette même inégalité qui se ressent par rapport à d'autres groupes humains ou bien par rapport aux animaux bien évidemment. Et puis, la dernière chose sur laquelle je voulais revenir, et elle est importante, hein, je ne voudrais pas que mon propos ait été mal interprété. Moi, je suis en réseau d'éducation prioritaire, et donc, effectivement, les familles avec lesquelles nous évoluons sont, comme Nicolas le soulignait tout à l'heure, dans des difficultés socio-économiques bien connues, qui, effectivement, expliquent un certain nombre de priorisations, finalement. Mais la violence, moi, travailler sur la question du lien entre les violences faites sur les animaux et les violences interpersonnelles, elle touche effectivement tous les milieux, bien évidemment. Et donc ça, c'est important de le redire. Moi, je suis en réseau d'éducation prioritaire, mais bien évidemment, la maltraitance des animaux, la non-considération pour les animaux comme la non-considération pour les conjointes, les enfants, etc., elle touche toutes les couches de la société. Et le sexisme, il touche également, malheureusement, aussi les institutions. Le virilisme, il existe aussi dans nos assemblées représentatives. Et donc là, il y a un énorme travail quand on va échanger avec les parlementaires, travailler sur la considération des animaux. Quand on voit parfois comment ça fonctionne par rapport aux femmes, par exemple, il y a un énorme chantier, bien évidemment, mais qui serait intéressant de mener finalement de manière assez parallèle. Merci beaucoup. Alors, dernière question, parce qu'à un moment donné, on est obligé de s'arrêter. Quels sont les impacts que vous avez constatés sur vos élèves, sur leurs apprentissages, mais aussi peut-être sur vos collègues, je ne sais pas, ou vous-même en termes de posture, de pratique, de gestes professionnels? C'est une bonne question. Je veux bien lancer. Oui, Nicolas. En tout cas, moi, dans toutes les recherches que je réalise en milieu scolaire, moi, je travaille sur les questions d'intégration d'un animal au travers médiation animale ou présence d'un chien d'assistance à la réussite scolaire au sein des établissements, donc en particulier dans des dispositifs qu'on appelle des dispositifs ULIS, donc pour des jeunes qui peuvent présenter différents troubles du développement. Et ce qu'on peut observer, donc là, par exemple, on a une étude qui est parue dans laquelle je collabore, là, en début de semaine, où ce qu'on observe, c'est qu'après un an d'intégration de cet animal, ces jeunes ont des meilleures habiletés à reconnaître les expressions faciales à la fois du chien, mais aussi des humains. Bon, alors pour les chats, ça ne s'améliore pas, puisque évidemment, un chat n'est pas impliqué, mais on voit que non seulement ça aide pour tout ce qui est habileté sociale au niveau de l'interaction avec l'animal, mais aussi avec l'humain. Tout ce qu'on observe en fait, c'est réellement à la fois que c'est porteur pour le développement en fait psychosocial de ces élèves. Donc ça fonctionne en fait sur l'empathie, ça peut fonctionner sur des habiletés comme les expressions faciales. Il y a tout un champ d'études qui vous montre en fait que ça réduit le stress vécu en salle. Et que cette réduction du stress va être bénéfique par vase communicant, à la fois sur l'attention et le comportement en classe, que ça va être bénéfique aussi sur l'intégration des apprentissages, puisqu'on sait que le stress est assez nuisible sur la libération des facultés cognitives pour les allouer à de l'apprentissage. Et ce qui est indirectement observé, c'est, alors là, c'est non étudié à l'heure actuelle. Mais en tout cas, c'est ce que des personnes qui font de la médiation animale me rapportent, c'est la dynamique que ça crée au sein de l'établissement. C'est-à-dire que ce groupe d'élèves qui était relativement ostracisé parce que c'est des élèves qui peuvent présenter des particularités comportementales et cognitives, eh bien devient le groupe le plus haut du campus ou du bahut. Tout simplement parce que eh ben, c'est eux qui ont les animaux, c'est eux qui vont avoir cette salle qui est sympa, qui est bien vue, qui n'est plus la salle des bizarros, mais la salle en fait où il se passe des choses sympathiques. Et ça change toute une dynamique d'établissement. Émilie Pignard, qui est enseignante à Saint-Brieuc en dispositif ULIS, a même eu un jeune qui a eu l'initiative de faire une chanson sur le chien de médiation, le chien d'assistance à réussite scolaire, qui est Ron, qui est là-bas. Et c'est devenu de fil en aiguille un véritable projet d'établissement, par exemple, où tous les élèves ont participé à cette chanson. Je vous invite à aller voir ça, d'ailleurs, mais où on peut changer toute une dynamique et une culture d'établissement autour de ça. Donc il y a à la fois des bienfaits à échelle d'établissement, l'intégration de ces animaux, mais aussi à échelle individuelle sur des développements de facultés comme l'empathie, et qui peuvent de là radier aussi sur des comportements, en fait, je pense. Envers plus globalement les animaux et le respect des animaux. Merci. Si vous voulez plus d'informations sur la médiation animale, il y a un épisode d'un podcast un peu sympa que vous pouvez aller écouter. Eva? Eh ben, je pense que concernant l'impact, ça se fait sur plusieurs années, je pense. Il faut vraiment un vrai temps de réflexion pour les enfants. Et j'ai pu voir la différence en ayant gardé des enfants 3 ans, où là, il y a eu un réel impact sur une bonne partie de la classe, où, comme le disait Richard, les conversations s'invitaient à table sur finalement comment on peut faire avancer les choses. Et sur une seule année, malheureusement, je trouve qu'on a trop peu d'impact. On a beaucoup, beaucoup de mal à faire avancer la cause. Et surtout, c'est encore trop peu développé dans l'éducation. On s'empare encore trop peu finalement du sujet pour qu'on puisse réellement agir ensemble et avoir un réel impact. Voilà. Donc, je pense qu'on avance par la répétition, mais il faut pouvoir le faire, quoi. Et est-ce que tu as vu un impact, je dis au hasard, en termes de climat scolaire, par exemple, dans la classe, même si ce n'était pas directement par rapport aux animaux? Alors, en termes de climat scolaire sur une année, et donc encore une fois, non malheureusement, mais sur 3 ans complètement, c'est-à-dire leurs relations entre eux, leurs réflexions, leur manière de communiquer entre eux, leur manière de vouloir agir également, eux-mêmes qui devenaient porteurs de projets, puisque un premier projet leur avait plu, donc du coup, ça libérait, ça ouvrait une porte finalement en eux. Et ça allumait la lumière certaines fois aussi, et ça donnait envie d'aller beaucoup plus loin. Donc oui, sur plusieurs années, il y a un impact Donc, laissons réel. du temps aux élèves. Exactement. Message. Merci. Richard? Oui, c'est un cours qui généralement intéresse beaucoup les élèves. Les classes sont souvent divisées. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde se sent tout à fait concerné, de fait. Et il y a des élèves qui vont complètement se prendre de passion pour le sujet, en parler, lire, faire des recherches personnelles, venir me voir en fin de cours et puis éventuellement bouger leur comportement. J'ai pu constater que ça pouvait générer des tensions dans la classe, c'est-à-dire des débats quand même entre eux assez intenses, surtout quand on a le cours juste avant le repas du midi, où la question se pose de ce qu'on va manger. Et j'ai pu constater aussi, c'est pas quantitativement important, mais j'ai quand même pu le constater, c'est-à-dire un certain nombre d'élèves, peu nombreux, mais présents, qui rentrent dans la réaction. C'est-à-dire qui, par réaction, affirment de manière. Alors là, on sort complètement du cours de philosophie, parce que moi, ce n'est pas du tout un cours militant, hein, c'est un cours de philosophie morale. Qui s'appuie sur des textes, qui prend un problème philosophique et on essaye de le traiter avec des arguments qui sont censés se déployer de manière logique et argumentée. Mais là, il y a parfois des postures. C'est-à-dire, il y a et là, je pense que ça renvoie à une autre question qui est la question identitaire. C'est-à-dire que les individus qui sont dans ce type de réaction, il faudrait que j'aille plus loin parce que là, ça serait, j'ai pas vraiment. Mais, de pistes très concrètes, est-ce qu'il y a des identités culturelles, familiales, religieuses, tout ça se mélange peut-être, mais là, le cours vient percuter des questions identitaires et ça devient insupportable, et il peut y avoir certains élèves qui se mettent là, complètement en dehors de toute argumentation, au contraire, à brandir des attitudes en déployant tous les arguments qui contesteraient ou qui seraient censés contester. L'éthique animale, alors évidemment, on peut après là rentrer dans le débat et un par un prendre les arguments et y répondre. Mais il peut y avoir ce phénomène-là. Et pareille question pour toi et pour Nicolas, puisque du coup, ce côté déstabilisant positif, puisque ça oblige à retravailler les concepts et le vocabulaire, je suppose que c'est tout le temps le cas en philo, mais je me dis peut-être que cette question-là est plus sensible. Est-ce que vous voyez que ça permet de faire avancer les élèves dans leur manière de réfléchir, de se poser les questions, de poser les problématiques? Je trouve que le cours de toute façon de philo morale au sens large et en particulier en éthique est un cours qui permet vraiment de. C'est un cours, la morale, ça concerne nos comportements. On n'est pas du tout dans une philosophie, dans la métaphysique ou dans la philosophie de la connaissance. On est là dans la vie de tous les jours, maintenant. Est-ce que je mens? Est-ce que je mange? Est-ce que je parle? Est-ce que je me tais? Est-ce que je laisse l'autre exister? Comment je me comporte? Et donc à ce moment-là, la philosophie morale, c'est quelque chose qui déjà les déstabilise parce qu'ils appréhendent la discipline comme quelque chose d'extrêmement concret. C'est la vie de tous les jours dans nos relations entre nous et dans nos relations avec les êtres qui nous entourent. Et à ce titre-là, je crois que ça fait ce cours-là, il est particulièrement concret et il les mobilise énormément. Nicolas? Oui, voilà. Comme tout à l'heure, hein, je rejoins complètement et les propos et le constat de Richard hein, sur les différents types de réactions que tu évoquais lorsqu'on aborde cette question de la relation à l'autre en général et à cet autre un peu particulier qu'on appelle animal. Effectivement, cette petite minorité active, quand même très petite, de refus du débat et de réaction, comment dire, un petit peu viscérale, viriliste et autres. Sur la question des effets, j'allais dire, bah, effectivement, comme le disait Richard, le cours de philosophie en général, le cours de philosophie morale en particulier, c'est un cours qui interroge les fondements et nos comportements individuels et des valeurs, collectives qui les fondent. Donc, il est nécessairement, dans la déconstruction, donc nécessairement, en tout cas dans une première phase, mais je ne pense pas qu'il faille s'y arrêter, déstabilisant. C'est un peu toute chose égale par ailleurs. Enfin, c'est Socrate qui était comparé, comme vous savez, à un temps, voilà, qui nous tourne autour, dont on essaie de se débarrasser, et puis une fois qu'il nous a piqué, en fait, il nous gratte. Voilà, et puis, on aurait bien aimé pouvoir s'en débarrasser de ce Socrate. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on a fait. Et donc effectivement, le cours de philosophie morale, il est un petit peu dans cette gêne autour du fondement de nos actions. Moi, il me semble que le projet que j'ai pu initier l'an passé, là, dans le cadre de l'EMC, il s'attachait à dépasser peut-être ce moment de déstabilisation pour essayer de construire des perspectives possibles. Et puis, pour ce qui est des effets, encore une fois, il faudrait peut-être le répéter sur plusieurs cohortes, hein, ce que je vais m'attacher à faire en l'aménageant un petit peu. Mais ce qui est certain, c'est que les élèves, c'est une classe nombreuse, hein, ils étaient 30, 34, 35, étaient vraiment partants lorsqu'on leur a laissé la possibilité d'être actrices et acteurs pour essayer de construire un projet zoopolitique. Vraiment, ils ont mille et une propositions qui ont été formulées ici et là. Et les retours que j'ai pu avoir, c'était des retours très positifs, notamment sur la question des représentations. Souvent, effectivement, la notion de nature n'est pas interrogée. Souvent, la distinction entre l'homme et l'animal semble aller de soi. Souvent, effectivement, on est dans une sorte de bien-traitance, de bienveillance spontanée, mais qui ne s'accompagne pas de traduction juridico-politique. Et ce que les élèves ont, me semble-t-il, pu apprécier, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont témoigné pour l'immense majorité d'entre eux, c'était d'avoir pu faire évoluer un regard. Avoir pu faire évoluer un regard. Alors, des pratiques, moi je suis comme Richard, je prétends pas du tout faire un cours prosélyte ou encore moins un cours qui vise à manipuler des consciences et des comportements. Enfin, je suis pas un gourou, moi, je suis un professeur de philosophie. Donc, chacun met ce qu'il veut dans son assiette et porte ce qu'il veut à ses pieds. Mais en tout cas, effectivement, un changement de regard et notamment sur la question du statut juridique et de la question de la représentation politique que l'on est en droit d'accorder à des non-humains. L'intervention de Thibault, par exemple, avait suscité pas mal d'échos ensuite, dans les semaines qui ont suivi, sur ah bon, qu'est-ce que ça signifie de filer des droits à un fleuve, à une montagne? Je ne sais pas, est-ce qu'on n'est pas complètement, enfin, voilà, dans un monde complètement soit utopique, soit complètement absurde, et puis essayer de leur montrer que maintenant, finalement, peut-être que cette distinction entre juridique, hein, que le droit français opère encore, entre d'un côté les personnes, de l'autre côté les biens, c'est peut-être ça, précisément, qui est complètement absurde et qui va contre la logique même de nos rapports avec les non-humains, avec le vivant, en règle générale. Et donc, finalement, s'il y avait des effets, je pense que ça serait plus sur la question de la représentation, sur la question des pratiques. Alors après, pour suivre quelques élèves cette année par X médias interposés, pour quelques élèves, ça a suscité des changements de pratique. Là, c'est sur des cas très particuliers. Merci beaucoup, cette conclusion parfaite pour cet épisode. Je vous remercie beaucoup, beaucoup tous pour votre participation, vos expériences partagées, vos expertises partagées. Et je vous souhaite une très bonne journée.